Amis auditeurs, bonsoir, vous êtes à l'écoute de RGM, la radio libre, voilà, la radio libre, qui s'efforce d'être libre, qui est libre, souvent, ouais, qui devrait l'être davantage encore, bien sûr, et puis, ben voilà, si vous voulez faire des émissions libres, eh ben, libre à vous, hein, bien sûr. Alors, ce soir, c'est le calendrier des esclavages et des libérations. D'abord, les sujets abordés, ce sera du câble à Internet. Alors, les câbles sous-marins et le net. Hein, on a tendance à oublier les câbles sous-marins. Ils existent encore, on a encore besoin. Et, certains envisagent de les remplacer par des faisceaux de des bandes de satellites de télécommunications, mais bon, c'est pas pour maintenant, pas pour tout de suite. Les femmes dans l'espace, alors voilà, alors une petite voix demande quel avenir. Ensuite, des cartes géopolitiques des réseaux sociaux, des citoyens face aux mensonges, le nucléaire, la CRIRAD, Jacques Généreux et la déconomie, D-E-C-O-N-O-M-I-E, c'est il a agrégé le terme déconner et le terme économie, voilà, déconomie. Ensuite, Mélenchon en Guyane, je viens ici pour apprendre. Et puis, planifions la sortie du nucléaire. Alors, là, on entend... député insoumis qui parle avec une journaliste. Alors Elisabeth Martichoux. Alors Elisabeth Martichoux, elle coupe constamment la parole aux gens qu'elle interroge, pas qu'elle intervieve. Non, intervieve, c'est pas du français. Qu'elle interroge. Si elle était à l'école maternelle ou CP, on lui ferait remarquer que ce n'est pas poli de couper la parole aux interlocuteurs. Ce n'est pas poli. Et les journalistes, ils ont pris l'habitude de couper la parole aux invités. Hein? Eh oui. Alors, moi, je pense que si un jour, il y a une véritable gauche qui arrive au pouvoir, il faut qu'elle passe en revue la façon de procéder des journalistes, la façon qu'ils ont d'interroger les gens, et de couper la parole constamment, de raconter des âneries, et ceux qui sont comme ça, eh bien, ils sont indignes d'être journalistes. Indignes. Indignes. Il faut les balancer. Il faut les mettre au chômage. Et puis, on leur donne un travail, mais alors un vrai travail, vous savez, un vrai... alors, costard-cravate, hein, bien sûr, belles chaussures, mais il faut du terrassement. Voilà, hein, du terrassement. Ah oui, ça endurcit les mains, ça fait attraper de la corne aux mains, ça renforce la musculature de l'abdomen et du dos, surtout, du dos, des bras. Hein, ça fait du bien, ça fait de... le terrassement, c'est excellent. C'est excellent pour le physique, pour la forme physique, et puis pour la forme mentale aussi, le terrassement. Madame Martichoux, voilà, elle est sur la liste de ceux qui... Voilà, à qui on devra faire sentir la différence entre travail manuel et travail soi-disant intellectuel, soi-disant. Voilà. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 8 novembre? Eh bien, le 8 novembre 1519, par exemple, au Mexique, Cortés, le conquérant espagnol, est accueilli en grande pompe dans la capitale des Aztèques par l'empereur Moctezuma. Celui-ci est loin de se douter qu'il est en train d'ouvrir ses portes aux barbares qui détruiront les vieilles civilisations américaines, les barbares. Les barbares, c'était ceux de nos ancêtres qui arrivaient en Amérique pour la conquérir. Les barbares. Eh oui, on aurait eu tendance à penser le contraire. Eh ben, voyez-vous, eh non. 1801, Haïti, Napoléon écrit aux habitants de Saint-Domingue, à l'occasion de l'expédition qu'il a demandée contre eux. Si quelqu'un vous dit « ces forces sont destinées à vous ravir votre liberté », répondez « la République ne souffrira pas qu'elle soit enlevée ». En 1804, il n'y aura plus de République. 1838, Canada, lors de la révolte des Fils de la Liberté, l'armée de libération qui s'était préparée aux États-Unis est mise en déroute par les forces coloniales britanniques. 1864, Vatican, dans le syllabus, Pie IX condamne, entre autres, ceux qui prétendent, ouvrons les guillemets, que chaque homme est libre d'embrasser et de professer la religion que la lumière de la raison lui fait regarder comme véritable. Vite, fermons les guillemets. 1917, Russie. Les membres du gouvernement provisoire sont arrêtés dans le palais d'hiver. Le deuxième congrès des soviets, des députés ouvriers et soldats, adopte les décrets sur la terre et sur la paix. 1918, Allemagne. Un tract de Spartacus, signé de Karl Liebknecht, s'adresse aux ouvriers et aux soldats. Deux points ouvrant les guillemets. Votre heure est venue. Le monde vous regarde. Vous tenez le sort du monde en vos mains. Ce que vos camarades de Brême, Lübeck, Rostock, Munich, Stuttgart ont réussi, vous le réussirez aussi. On ferme les guillemets. À savoir la libération des prisonniers civils et militaires, l'élection de conseils ouvriers et de soldats, le contact avec le prolétariat international, spécialement avec la République ouvrière de Russie. 1926, Italie. À la suite de mesures exceptionnelles, Gramsci et d'autres députés de son parti sont arrêtés. 1936, Espagne. Bataille de Madrid. Pendant 10 jours, les combats font rage autour de la capitale entre les assaillants franquistes et les républicains. Ces derniers tiendront bon grâce à leur unité et au soutien de la population exaspérée par les bombardements franquistes. 1939, Allemagne. Attentat manqué contre Hitler dans le Bürgerbraukeller à Munich. Eh oui, si cet attentat-là avait réussi. Il y en a eu 7 ou 8 des attentats contre Hitler. Hein. Il y a eu de la chance, l'animal. Le peuple allemand n'a pas eu de chance, lui. Et les peuples européens non plus. Hein. Et les autres peuples, par la même occasion, non plus. Puisqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale à cause de Hitler. Et Hitler a été élu à cause de... Ben, à cause du chômage. Il y avait 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1933, comme en France en 2021. 1943, Liban. Non, les élections, ce sera en 2022, hein, en France. Ah oui. Ben oui. Zemmour, Macron, Le Pen, etc. Eh ben oui. Voilà. Le peuple français, il est devant la glace, hein, il faut qu'il se regarde dans les yeux, puis qu'il décide d'avancer. 1943, Liban. Le Liban engage l'épreuve de force contre la France. Au Moyen-Orient, les vichistes sont déjà battus par les gaullistes, en vue d'obtenir l'indépendance dans une acception réciproque des deux communautés chrétiennes et musulmanes. Mais le départ des troupes françaises ne sera effectif qu'en 1946. Hein, oui. Le Liban, hein, il est dans un triste état, le Liban. À cause de qui? 1976, Nicaragua, Carlos Fonseca, principal dirigeant du Front de Libération Nationale, meurt au combat. 1981, Madagascar, suite aux émeutes des 8 et 9 novembre à Tananarive, 64 personnes sont condamnées. 1983, France. Les évêques, réunis à Lourdes, acceptent la dissuasion nucléaire comme, deux points, moralement acceptable. Fermons les guillemets. Les évêques de France. 1984, Chili. Le gouvernement militaire décide la censure sur tous les moyens d'information. En 1851, un navire un peu particulier traverse la Manche. À son bord, l'équipage dépose un câble télégraphique dans les fonds marins, reliant la France au Royaume-Uni. Le début d'une nouvelle ère où les communications vont aller toujours plus vite. Aujourd'hui, les télégraphes ont disparu, mais les câbles sous-marins, immergés dans les profondeurs des océans, se sont multipliés. Sans eux, Internet ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Des câbles qui traversent la planète connectent les continents et au cœur d'une nouvelle concurrence dans laquelle se sont invités les géants du net. Les smartphones, le Wi-Fi ou encore la 5G donnent l'image d'un monde sans fil. Pourtant, si nous connaissons Internet tel qu'il est aujourd'hui, c'est bel et bien grâce à des fils, ou plutôt des câbles sous-marins. Pour regarder cette vidéo, écouter une musique en streaming ou envoyer un email, des données transitent par Internet et traversent de vastes distances en un fragment de seconde. Dans cette course de vitesse, les satellites ne jouent qu'un rôle marginal. L'écrasante majorité des données circule en effet par des câbles sous-marins qui canalisent près de 99% du trafic. Comme celui-ci, inauguré en 2021, reliant directement l'Europe à l'Amérique du Sud, du Portugal jusqu'au nord-est du Brésil, 6000 km de fibre optique permettant à des données de parcourir un aller-retour en moins de 60 millisecondes. Une vitesse que l'on appelle le temps de latence. Des câbles sous-marins comme celui-ci, il en existe des centaines. En 2021, on en dénombre plus de 420 de par le monde, d'une longueur cumulée de 1,3 million de kilomètres. Des chiffres qui ne cessent d'évoluer avec l'accroissement du trafic mondial. Ces câbles, qui sont en quelque sorte les autoroutes d'Internet, n'ont rien de nouveau. Après de précédents échecs, c'est en 1851 qu'un premier câble télégraphique sous-marin opérationnel est posé, reliant la ville de Calais dans le nord de la France à celle de Dover dans le sud du Royaume-Uni. Une petite révolution permettant d'échanger rapidement des messages des deux côtés de la Manche qui donnera le coup d'envoi à l'installation de nombreux autres câbles. En 1858, un câble transatlantique reliant l'Irlande à Terre-Neuve au Canada, dont la majeure partie sous l'océan, permet à la reine Victoria d'envoyer un court message au président américain de l'époque, message qui parviendra 16 heures plus tard. Mais l'aventure est de courte durée, le câble devient obsolète une vingtaine de jours plus tard. C'est en 1866 qu'un paquebot britannique parvient à poser un câble transatlantique enfin opérationnel dans la durée. Avec ses plus de 200 mètres de long, ce navire de voyage s'offre une nouvelle carrière dans la câblerie, embarquant plusieurs milliers de kilomètres de câbles de cuivre à son bord, dont le lovage est effectué manuellement dans une cuve et déployé dans l'océan grâce à une machine comme celle-ci. Désormais, quelques minutes suffisent pour transmettre une communication des deux côtés de l'Atlantique. À l'époque, tout reposait sur des câbles comme celui-ci. Cet échantillon aurait été déployé en 1866 dans la mer du Nord. Après les télégraphes, l'histoire se poursuit avec les câbles téléphoniques sous-marins. Les téléphones arrivent dans les villages, puis directement dans les foyers. Les communications longue distance coûtent cher, mais elles sont possibles. Le début d'une nouvelle époque où tout va plus vite pour les particuliers et les entreprises. Puis en 1988, est posé le premier câble de fibre optique à sillonner l'Atlantique. L'essor d'Internet au cours des décennies suivantes ouvre l'ère de l'instantané et de la mobilité. Les internautes discutent en direct, gèrent leur vie sociale et achètent en ligne. Bref, les usages sont illimités. À chaque fois, au cours de cette histoire, les câbles sous-marins ont joué un rôle déterminant. Une véritable épopée ayant vu les câbles gagner en performance et couvrir des distances toujours plus impressionnantes. Comme celui-ci, d'une étendue de 39 000 km, le plus long du monde en 2021. Pour résister aux pressions et aux aléas des océans, ces câbles renferment un concentré de technologie et de protection. À l'intérieur, plusieurs fibres sont assemblées les unes aux autres, sélectionnées selon le cahier des charges du client, puis entrelacé dans un premier tube, auquel se superposent diverses gaines de protection. Internet a beau dépendre de ces câbles, ces derniers n'en restent pas moins très fins. Un câble tient dans une main. Quand on parle de câble sous-marin, on imagine toujours quelque chose d'assez volumineux. En fait, un câble sous-marin, c'est tout petit, hein. Ça a la taille d'un tuyau d'arrosage, voilà, c'est quelques centimètres. Alors, l'élément principal constitutif d'un câble sous-marin, eh bien, ce sont des fibres optiques. Les fibres optiques, c'est ce qui va permettre de faire passer un flux de lumière, une onde de lumière, et c'est cette onde de lumière qui va transmettre l'information à l'intérieur du câble. Donc j'ai devant moi un morceau de câble sous-marin, et vous voyez qu'une fibre optique, c'est tout petit, on est de l'ordre de grandeur d'un cheveu. Alors cette fibre optique, comme elle est petite et qu'elle est fragile, elle est entourée d'un certain nombre d'éléments pour la protéger. Vous voyez qu'ici, il y a des torons métalliques qui vont protéger la fibre à la fois de l'écrasement et de l'étirement. Ensuite, on va trouver un anneau de cuivre qui est ici, qui va servir à faire passer un tout petit peu de courant électrique, parce que le signal photonique, on a besoin de le régénérer, de lui redonner un peu de puissance à l'intérieur du câble, tous les 80 à 100 km, et donc il faut du courant électrique, et ce courant électrique, il va passer sur cet anneau de cuivre. Et puis enfin, on va trouver une protection électrique de manière à isoler cette partie qui contient un peu de courant électrique de l'eau de mer à l'extérieur. Avant le déploiement des câbles, des navires équipés de sonars partent en mer effectuer des relevés topographiques des fonds marins et déterminer ainsi la pose et la route les plus adéquates. Ce sont ensuite des navires câbliers qui effectueront la pose. Comme celui-ci, le René Descartes, propriété d'Orange depuis 2002. Avec plus de 140 mètres de long et 20 de large, il héberge 3 cuves et près de 6000 km de câbles à son bord. À savoir que la pose d'un câble en haute mer est plus rapide et moins coûteuse qu'à l'approche des côtes, où les terrains sont plus accidentés et où l'on peut procéder, selon les circonstances, à un ensouillage sous les sédiments. Loin des premières tentatives du 19e siècle, les câbles sous-marins constituent aujourd'hui un marché structuré où chaque acteur joue un morceau de la partition. Il y a d'abord les fabricants. Une grande partie des câbles sous-marins posés dans le monde sont fabriqués dans le nord de la France, à Calais, dans l'usine d'une entreprise française, filiale du finlandais Nokia, en 2021. C'est l'un des trois grands acteurs, aux côtés de deux groupes japonais et américains. Avec ses sous-traitants, l'usine de Calais représente environ 2000 emplois et la société revendique plus de 600 000 km de câbles dans le monde. Malgré son caractère stratégique, ce marché reste cantonné à une niche, 2 milliards d'euros en 2018 selon le patron d'Alcatel, qui estime que ce chiffre devrait doubler d'ici 2023. Aujourd'hui, il y a un autre acteur qui émerge et qui est l'acteur chinois, hein, sur ce marché des câbles sous-marins, qui répond à une volonté, une double volonté. D'abord celle des routes de la soie, hein, construire davantage de câbles sur le monde, mais également en termes de marché, être dans une posture d'arrivée. Donc en 10 ans, vous avez un acteur qui est Huawei Marine Networks, hein, qui a été racheté depuis par Hengtong Marine et qui monte en puissance sur ce marché. Il y a ensuite la pose et la maintenance, effectuée par quelques fabricants, mais aussi des sociétés spécialisées sur ce segment. Pour localiser un incident, des répéteurs installés à distance régulière le long des câbles, pour maintenir le signal, permettent de situer la branche concernée. Et des robots sous-marins sont régulièrement plongés sous l'eau pour effectuer les réparations. Comme celui-ci, environ 7 tonnes de technologie immergées dans les profondeurs. Des morceaux de câbles sont ainsi remontés à la surface afin d'être remis en état, puis replongés. De leur côté, les systèmes et logiciels sont mis à jour, en moyenne tous les 5 à 10 ans. Les câbles sont pilotés à distance dans des salles de supervision comme celle-ci, un lieu confidentiel que nous avons pu filmer. Pour des raisons de sécurité, nous devons flouter une grande partie des images. Sur les écrans, une visibilité en temps réel sur les liens et les transmissions du réseau de câbles sous-marins, mais aussi de fibres terrestres et satellites. C'est ici que sont prises les décisions en cas de dysfonctionnement sur un câble, Et lors de la pandémie, ce fut la salle de crise où le réseau français a été adapté pour résister aux confinements successifs et au télétravail. Enfin, les derniers acteurs de ce marché, ce sont les exploitants de câbles. Le plus souvent, des opérateurs télécoms qui, avec, commercialisent de la bande passante. Et comme un projet de câble coûte cher, des centaines de millions d'euros dans certains cas, il arrive que plusieurs opérateurs se regroupent autour d'un même projet. D'un point de vue historique, le plus long câble du monde, c'était le 6883. Il faisait 39 000 km de long. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau projet de câble qui n'est pas encore complètement en pause. C'est un projet qui s'appelle Tout Africa, qui regroupe un certain nombre d'acteurs, Facebook, Orange et 26 autres opérateurs et sociétés de télécommunications. Et ce câble va ceinturer complètement l'Afrique. Alors originellement, il faisait 37 000 km, c'est-à-dire un peu moins que le 6883, mais là on vient d'ajouter de nouvelles branches qui vont porter sa longueur totale à 45 000 km et ce qui en fera le plus long et là aussi je pense de nouveau le plus cher câble au monde. Comme nous venons de l'entendre à l'instant, de nouveaux acteurs sont entrés en jeu dans la course au câble sous-marin. Les géants du net. Alors que ces derniers achetaient de la bande passante à travers les câbles, les GAFA déploient désormais leurs propres infrastructures dans les océans. En 2020, Google a encore fait poser un câble super puissant, en partenariat avec Orange, reliant la Vendée à l'État de Virginie aux États-Unis. Pareil pour Facebook, cette fois-ci avec Orange et Vodafone, pour une ligne reliant le Royaume-Uni à l'Amérique du Nord. Coût estimé 250 millions d'euros. L'arrivée fracassante des GAFA suscite néanmoins des inquiétudes relatives à la neutralité du net, selon laquelle les opérateurs devaient historiquement assurer une égalité de traitement dans l'acheminement des données. Seuls les opérateurs de communication classiques vont être soumis à ce devoir de neutralité, donc d'acceptation de nombreuses communications par le câble sous-marin. Les GAFA ne sont pas soumis à ce régime. Ce qui signifie que, effectivement, si les GAFA investissent massivement sur le marché aujourd'hui, et si demain ils deviennent les acteurs majoritaires dans l'investissement des câbles sous-marins, forcément vous allez avoir des questions en termes de gouvernance qui vont se poser, et comment est-ce qu'on peut être sûr que l'intégralité des contenus qui sont aujourd'hui transportés sur le globe continueront à être transité par ces infrastructures. A l'inverse, le câble et la link, dont nous avons parlé au début de cette vidéo, n'a pas une vocation uniquement économique, car il sera en partie dédié à des organismes de recherche européens et sud-américains. Si les câbles sous-marins existent depuis plus d'un siècle, ils sont récemment revenus sur le devant de la scène. En 2021, ils ont été en plein cœur d'un scandale lorsque la télévision publique danoise a mis au jour une enquête. En s'appuyant sur un rapport interne au service de renseignement du Danemark, le média indique que les États-Unis auraient pu se brancher sur des câbles sous-marins danois au moins jusqu'en 2014, afin d'espionner des responsables européens, dont la chancelière allemande Angela Merkel. À la suite de ces révélations, plusieurs chefs d'État ont exigé que la clarté soit faite sur cette affaire. Ce n'est pas acceptable entre alliés, de manière très claire. Ça l'est encore moins entre alliés et partenaires européens. Et il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. C'est pourquoi ce que nous attendons, c'est la clarté complète. Nous avons demandé à ce que nos partenaires danois et américains apportent toutes les informations sur ces révélations et sur ces faits passés. Au-delà de l'espionnage, d'autres scénarios sont imaginés, comme le sabotage. Dans l'écosystème de défense français, c'est la Marine nationale qui a la responsabilité de la sécurisation des câbles sous-marins. Maintenant, quand on regarde ça d'un point de vue pratique, sécuriser plusieurs milliers de kilomètres de câbles, c'est physiquement impossible. Voilà. Donc, pour nous, la stratégie, c'est de multiplier le nombre de câbles de manière à pouvoir assurer à tout moment une redondance et que si un câble est coupé, eh bien, on puisse basculer le trafic vers d'autres câbles. Après, des scénarios de coupure volontaire de tous les câbles sur une zone géographique, on les a étudiés. Alors, historiquement, ça existait. Avant la première, au tout début de la Première Guerre mondiale ou au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, le premier réflexe des belligérants, ça a été d'aller couper tous les câbles sous-marins de l'adversaire. Alors, c'est envisageable, mais là, on serait dans des situations de crise et de conflits de très très haute intensité qui dépasseraient le cadre civil et on tomberait dans des considérations militaires qui seraient tout autres. L'armée britannique envisage un navire de surface qui permettra de surveiller et protéger les infrastructures sous-marines. Avec un équipage d'une quinzaine de personnes, l'engin qui doit entrer en service en 2024 sera pourvu de capteurs et de drones sous-marins. Les États ont une marge de manœuvre assez importante pour sécuriser davantage ces infrastructures. Ils ont conscience qu'il faut protéger davantage les câbles sous-marins, mais ils peuvent réagir différemment. Et alors vous avez soit une protection physique de ces infrastructures qui s'améliore avec une prise de conscience des marines nationales qui vont augmenter leur surveillance de ces infrastructures, soit vous avez une prise de conscience au niveau cyber avec une amélioration des services chargés de ces infrastructures qui vont sécuriser davantage les réseaux d'information qui vont permettre la bonne transmission d'informations du bout à l'autre du câble. Et puis vous avez aussi une action qui est en matière juridique, protéger davantage en renforçant la sécurisation, le contrôle sur les nouveaux projets de câbles qui vont atterrir. En matière de sécurité nationale, c'est important de veiller à quel acteur évidemment va poser ce câble sous-marin et est-ce qu'il est digne de confiance, on va dire, pour l'État. Enfin, si nous dépendons des câbles pour Internet, ces derniers n'en restent pas moins vulnérables. Qu'il s'agisse d'attaques de requins attirées par les ondes électriques, ou par les chalutiers qui ne sont pas à l'abri d'y emmêler leurs filets de pêche. Plus impressionnant, une étude a révélé qu'en 2020, une avalanche sous-marine de boue et de sable s'est produite dans l'océan Atlantique, au large de l'Afrique de l'Ouest, à l'embouchure du fleuve Congo, endommageant des câbles et provoquant des ralentissements dans le trafic Internet. Si la pose de câbles sous-marins est appelée à se multiplier, il faut aussi s'attaquer à leur dépose lorsque survient leur obsolescence et éviter ainsi de polluer les océans. En moyenne, la durée de vie d'un câble est de 25 à 30 ans. Enfin, des entrepreneurs pensent que les câbles sous-marins seront bientôt des vestiges du passé. Leur projet, connecter le monde grâce à des constellations de milliers de petits satellites. Pour certains, une pollution de l'espace. Pour d'autres, le début d'une nouvelle épopée. Je te téléphone près du métro Rome, Paris sous la pluie me lance mes m'ennuies. La scène est plus grise que la Tamise. Ce ciel de brouillard me fout le cafard. Paris pleut toujours sur le Luxembourg. Il y a d'autres jardins pour parler d'amour. Il y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Viens, fais tes bagages, on part en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon. Sous la grande horloge, tu sais, près du portillon, nous prendrons le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Viens voir l'Italie comme dans les chansons, viens voir les fontaines, viens voir les pigeons, viens me dire je t'aime comme tous ceux qui s'aiment à Capri la Belle en toute saison. Paris, mon Paris, au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Juste à l'aube grise, demain c'est Venise. Chante barcarolle, j'irai en gondole. J'irai sans sourire au pont des soupirs pour parler d'amour à voix de velours. Taxi, menez-moi à la gare de Lyon. J'ai un rendez-vous près du portillon. Je vais prendre le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Passant par Vérone, derrière les créneaux, je vais voir le fantôme du beau Roméo. Et je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans les chansons. Taxi vite, ballon à la gare de Lyon. Ce sont nos affranchis du vendredi et ce soir c'est Thibaut Enoch. Thibaut qui va revenir sur les femmes dans l'espace. C'est une chronique qui nous fait voyager hier, aujourd'hui et demain. Hier, aujourd'hui, demain, comme chaque semaine, on voyage et ce soir, vous nous parlez des femmes dans l'espace. Exactement. Et si j'ai choisi de vous parler de la place des femmes dans la conquête spatiale, c'est que nous avons fêté cette semaine un anniversaire. Il y a 20 ans, Claudie Aigneret s'envolait pour la Station Spatiale Internationale, devenant la première européenne à voler à bord de l'ISS. L'astronaute française, première ingénieure de bord, restera 7 mois dans l'espace. Regardez les images de son arrivée. C'était le 21 octobre 2001. We have an opening of the hatch and we can see the Claudie Aigneret. Je suis heureuse que tu sois là, que tu me vois. Regarde, on est bien arrivé. Et comment tu as arrivé à rentrer dans ta maison? Comment tu arrives à rentrer? On a frappé à la porte et puis là nous attendait Franck. Il y a encore mené. Voilà bien, Michel. Et ils nous ont ouvert la porte et on est rentré. Et tu nous vois maintenant, on est dans la station. Alors voilà, jolie séquence, je vois que vous avez des étoiles dans les yeux, mais je vais tout de suite doucher votre enthousiasme. Cet épisode est l'arbre qui cache la forêt. Regardez ce trombinoscope des 10 astronautes français ayant volé à ce jour. Vous reconnaissez notre héroïne et vous le voyez, Claudie Aigneret reste la seule française à avoir été dans l'espace. Malheureusement, ce n'est guère mieux au niveau mondial. Depuis l'origine de la conquête spatiale, 500 hommes environ ont quitté l'orbite terrestre contre seulement 70 femmes et aucune n'a encore mis le pied sur la Lune. Conclusion, Myriam, telle des étoiles, les femmes brillent dans l'espace, mais c'est par leur absence. Alors, est-ce que c'est un peu mieux ces 20 dernières années? Est-ce que les choses progressent? Non, pas vraiment. Pour le voir, retournons à bord de l'ISS. Claudie Aigneret a bien son descendant, Thomas Pesquet, nouvelle fierté nationale. Le Français est l'actuel commandant de bord de la station. Seulement, autour de lui, eh bien, regardez cette vidéo prise au moment d'une relève d'équipage en mai dernier. Vous avez le temps de compter, c'est assez simple. Je voudrais surtout remercier tous les gens qui ont travaillé sur cette mission en français et puis un petit mot pour les familles et les amis qui sont déplacés jusqu'à Cap Canaveral. Ça n'a pas été un voyage facile. En tout cas, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de les avoir avec moi. Donc je voulais les saluer. Alors résultat, 9 hommes et seulement 2 femmes. On est encore très loin de la parité. Autre exemple, à la NASA, sur les 38 astronautes américains aptes à voler à l'heure actuelle, seulement 12 sont des femmes. Et ce n'est pas tout. Les femmes sont aussi cantonnées, ont longtemps été cantonnées à bord de la station. La première sortie 100% féminine a eu lieu il y a seulement 2 ans. Un événement, et pour l'anecdote, mais ce n'en est pas une. Cette sortie était à l'origine prévue 6 mois plus tôt seulement. Au dernier moment, surprise à bord, on réalise qu'il n'y a qu'une seule combinaison à la bonne taille prévue pour des hommes. Les autres étaient trop grandes. Et oui, la NASA n'avait même pas pensé à ce problème. Et demain alors, la parité dans l'espace ? Allez oui, car il y a une prise de conscience. Au printemps de l'année dernière, l'Agence spatiale internationale a lancé un nouveau recrutement et pour la première fois, elle a indiqué explicitement vouloir, je cite, « renforcer la diversité des genres dans ses rangs ». Aux États-Unis aussi, le problème est pris au sérieux. La NASA a lancé un nouveau programme de conquête spatiale, vous savez peut-être, baptisé Artemis. Et sur les 18 candidats pour le prochain vol lunaire, prévu d'ici 2024, 9 sont des femmes. Le patron de l'agence l'a même promis, la prochaine personne sur la Lune sera une femme. Allons plus loin et visons la conquête de Mars à l'horizon 2030. Là encore, déclare le patron de la NASA, le premier astronaute allé sur la planète rouge sera probablement une femme. Et savez-vous pourquoi il fait cette promesse? Eh bien, pas seulement en raison d'un éveil soudain à la cause féministe, mais parce que la NASA y a son intérêt. Des psychologues ont en effet récemment estimé que les femmes étaient plus indiquées pour les voyages de longue distance, en l'occurrence 3 ans pour Mars, car je cite, elles ont tendance à être plus tolérantes, rendant l'atmosphère moins tendue dans les équipages. Ce n'est pas tout. Conclusion d'une autre récente étude américaine, elle serait aussi physiologiquement avantagée, elle résisterait mieux aux radiations cosmiques, autre difficulté majeure du voyage vers Mars. Résultat des courses, non seulement les femmes sont aussi aptes à aller dans l'espace que les hommes, mais peut-être plus. J'en connais qui vont tomber des nues. Merci beaucoup, Thibault. Estas tabernito en la urbo, cutime ties idas chiuini. Por discutirevo de futuro, cae trinquia calicoi du autri. La gaia tagoien, pasintai tempoien, la canto danzo rigis in sentina, la vivo pesa sien, con trapasis jaroj okupitaj. Miaj sonĝoj flugis den for, sed ne perdis ni la bona esperon. Brilas miaj revoj en la cor. La gaja tagojen pasintaj tempojen la kanto danco rigis min senti. La vivo pezas jen kun kiu mi acen la junura futur planas senĝen. Tavernu haltis mil vespere, samis ciu kiel frue pli. Visaggio sur la glaso spegulite, spectrigis tutte fremde tiel li. La gaia tagoien pasintai tempoien la canto danzo rigis min sen fin. La vivo pesa sien con chiro mi accen ma io non la futur plana sen gen. La la la la la la la la la. Vidas mi vin, vokas vin jenom. Jen amiku, iĝis ni pli aĝaj, perdiĝis nur al mi la eta sonĝ. La gajaj tagoj jen, pasintaj tempoj jen, la kanto danco rigis min sentim. La vivo pesa sien, con tirunia sien, la inular futur plana sen gen. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des Cartes. Notre photo du jour nous emmène en Californie, à San Francisco, devant le siège de Twitter en janvier 2021, qui venait de prendre une décision historique, suspendre le compte de Donald Trump. Il s'agissait, selon Twitter, de l'empêcher de mettre davantage en péril la démocratie américaine, tandis que ses partisans avaient envahi violemment le Capitole à Washington. Cet événement a été comme un coup de tonnerre, une prise de conscience brutale du pouvoir détenu par les géants du numérique, capable de couper le sifflet aux grands de ce monde. Avec des milliards d'utilisateurs, les réseaux sociaux sont de fait aujourd'hui un sujet géopolitique majeur, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Car ces réseaux sur lesquels nous passons des heures, qui les contrôle? Qui les régule? Comment protéger toutes ces données personnelles que nous y laissons? Vous allez voir que selon qu'on vit dans un état de droit ou dans un régime autoritaire, la question ne se pose évidemment pas de la même manière. Sortons nos cartes. En 2021, 53,6% de la population mondiale est présente sur les réseaux sociaux, soit la quasi-totalité des internautes. On dénombre plus de 4,2 milliards de comptes actifs, soit un demi-milliard de plus qu'en 2020. Un internaute a en moyenne un compte sur un peu plus de 8 plateformes et il y consacre près de 2h30 par jour. Alors si l'histoire d'Internet remonte aux années 1960, l'histoire des réseaux sociaux, elle, est relativement récente. Elle commence en 1997 avec l'apparition aux États-Unis du premier réseau social à proprement parler, SixDegrees.com. D'autres plateformes de ce type vont ensuite se développer. En 2002, c'est le cas de Friendster, suivi en 2003 par MySpace, avant que n'apparaissent les géants que l'on connaît aujourd'hui, Facebook en 2004, YouTube et LinkedIn en 2005 ou encore Twitter en 2006. Ces réseaux sociaux, qui ont fait la fortune de la Silicon Valley en Californie, ont très rapidement su recruter des abonnés bien au-delà des États-Unis. Les plateformes américaines sont d'ailleurs celles qui cumulent aujourd'hui le plus d'utilisateurs à travers le monde. 2,7 milliards pour Facebook, 2,3 milliards pour YouTube, 2 milliards pour WhatsApp, 1,3 milliard pour Facebook Messenger, 1,2 milliard pour Instagram, 740 millions pour LinkedIn, ou encore 353 millions pour Twitter, très influent en raison de son succès auprès des milieux politiques et médiatiques. Pourtant, il existe d'immenses territoires où les géants américains ne sont pas ou peu présents, et ce, on va le voir, pour deux types de raisons. Technique d'une part, lorsque la connexion à Internet, la qualité du débit ou l'accès à du matériel adéquat n'est soit pas possible, soit trop coûteux. C'est le cas d'une partie du continent africain où la part de la population présente sur les réseaux sociaux oscille entre 8 et 16%, à l'exception de l'Afrique du Nord, 45%, et de l'Afrique du Sud, 41%. Il y a d'autre part des raisons politiques à cette géographie des réseaux. À cet égard, le cas de l'Iran est intéressant. Instagram y est la plateforme préférée des internautes. Une performance assez inattendue quand on sait que Facebook, Twitter ou encore YouTube y sont bloqués par les autorités depuis des années. Les gardiens de la révolution ont en revanche encouragé l'émergence de solutions locales pour tenter de garder Internet sous contrôle. En 2018 déjà, le guide suprême qui détient le vrai pouvoir en Iran, l'ayatollah Khamenei, a ainsi recommandé à ses abonnés d'utiliser des messageries développées en Iran comme Gap ou encore Sorush. L'élection en juin 2021 d'un président ultra-conservateur, Ebrahim Raisi, devrait accentuer cette tendance. En Russie, à présent, la situation est un peu différente. Les applications américaines n'y sont pas bloquées, à l'exception de LinkedIn. Ainsi, le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, n'hésite pas à s'appuyer sur sa chaîne YouTube, suivie par près de 6,5 millions d'abonnés, pour diffuser ses vidéos dénonçant l'autoritarisme et la corruption du clan au pouvoir. En janvier 2021, son documentaire intitulé « Le palais de Poutine, histoire du plus gros pot de vin du monde », montrant des images d'une immense propriété située au bord de la mer Noire, a rassemblé plus de 100 millions de vues sur YouTube. Pour autant, des acteurs russes des technologies ont su très tôt, et ce sans soutien des autorités, développer leurs propres réseaux sociaux. Ces derniers, essentiellement utilisés en Russie et aujourd'hui surveillés de près par Moscou, sont également présents en Europe de l'Est. On peut par exemple citer Vkontakte, le Facebook russe, Abkaryera, un équivalent de LinkedIn pour les experts du numérique, ou encore Rutube, équivalent de YouTube. À présent, le cas chinois, qui se distingue tout particulièrement bien sûr, à la fois par son contrôle strict de tout ce qui circule sur Internet, par le blocage des plateformes sociales américaines et surtout par sa capacité à développer des systèmes 100% chinois. Son réseau social, WeChat, est ainsi incontournable dans la vie des Chinois. Il s'agit d'une plateforme rassemblant des outils similaires à Facebook et Instagram, tout en y intégrant des sites de e-commerce chinois comme Alibaba. WeChat talonne aujourd'hui le géant américain Instagram en termes de nombre d'utilisateurs, 1,2 milliard tous les deux, et commence à s'implanter au-delà du territoire chinois. Mais à l'été 2021, Pékin a repris en main les géants de la tech chinoise en limitant leur puissance et leur influence. WeChat est central dans la stratégie chinoise de contrôle de la population et dans le but de diffuser un modèle chinois afin que les valeurs occidentales et l'espace informationnel mondial ne rentrent pas en Chine. Alors voyons maintenant un peu plus en détail comment ce modèle numérique chinois, totalement contrôlé par le pouvoir, s'est mis en place. Dès 1998, la Chine a érigé une grande muraille numérique. Une stratégie qui lui permet de bloquer non seulement de nombreux sites étrangers, comme Facebook, YouTube ou encore Twitter, mais également de contrôler de très près ce qui se passe sur le web chinois. Ainsi, lorsque les internautes font une requête sur le web, les trois quarts du trafic restent à l'intérieur du territoire de la Chine. Le reste est dirigé vers les États-Unis. À titre de comparaison, c'est le ratio inverse pour la France ou l'Allemagne, dont on estime que 25% du trafic seulement reste dans le pays d'origine de la requête. Il n'en reste pas moins que cette structuration du réseau Internet de la Chine a surtout permis à des acteurs chinois de développer en toute quiétude des géants qui se sont hissés dans le top 10 des réseaux sociaux les plus utilisés au monde, à l'image de WeChat que l'on a vu tout à l'heure. Mieux encore, ce protectionnisme numérique n'a pas empêché des acteurs chinois de partir à la conquête de nouveaux marchés, à l'image de TikTok, une application née en 2017 et développée par l'entreprise chinoise ByteDance. 3 ans seulement après son lancement, cette application spécialisée dans la diffusion de vidéos courtes cumulait près de 700 millions d'abonnés hors Chine. De nombreux utilisateurs, friands de cette application chinoise, la téléchargent partout dans le monde, aux États-Unis, en France, mais aussi en Inde, au Brésil, au Mexique ou encore en Russie. Depuis 2018, TikTok, c'est l'application la plus téléchargée au monde, à l'exception de celle consacrée aux jeux. Alors voyons à présent ce qu'il en est dans la démocratie libérale qui a longtemps été pionnière et leader dans le domaine numérique, les États-Unis, qui sont aujourd'hui, on va le voir, en plein débat sur les enjeux de régulation. Au départ, les États-Unis, le pays du libéralisme, ont laissé faire les acteurs du numérique. Symbole d'une réussite à la fois technique et entrepreneuriale américaine, les GAFAM témoignaient de l'influence des États-Unis dans le domaine d'Internet depuis sa création. D'une certaine manière, le rôle de mobilisation qu'avaient joué les plateformes américaines pendant les printemps arabes s'inscrivait dans cette vision messianique américaine qui consistait à diffuser au maximum les valeurs de liberté et de démocratie dans le monde. Mais progressivement, les réseaux sociaux se sont retournés contre la vie démocratique américaine, comme on a pu le constater lors de l'élection présidentielle de 2016. Facebook a d'abord été accusé d'avoir laissé une agence britannique spécialisée dans les campagnes d'influence, Cambridge Analytica, d'aspirer les données personnelles de dizaines de millions d'Américains à des fins électorales pour le compte du candidat républicain Donald Trump. Dans le même temps, des agents de l'Internet Research Agency, basée à Saint-Pétersbourg, une officine de propagande à la solde du Kremlin, ont mis en place une campagne de désinformation des électeurs américains à grand renfort de faux comptes et de publicités ciblées sur des plateformes comme Facebook. Ces détournements répétés des outils de Facebook ont ainsi conduit le patron de la plateforme, Mark Zuckerberg, à devoir s'expliquer devant le Sénat en 2018 et en 2019. Mais aussi à la veille de l'élection présidentielle de 2020, où ce dernier a une nouvelle fois été auditionné en compagnie de ses homologues de Twitter et de Google. Depuis ces affaires, le débat sur la responsabilité des réseaux sociaux n'en finit pas de diviser l'Amérique. À peine au pouvoir, l'administration Biden s'est aussitôt saisie d'un projet de nouvelle législation sur la régulation des grandes plateformes et la protection des données personnelles, s'inspirant notamment du modèle européen. Voilà pour ce tour du monde des réseaux sociaux, enjeu de soft power dont vous aurez compris que les démocraties et les États autoritaires ne font pas le même usage. Après avoir inventé ces réseaux au nom de la liberté d'expression, la démocratie américaine réalise qu'elle est allée trop loin dans le laisser-faire et s'attelle désormais à réguler. De son côté, l'État autoritaire chinois a créé son propre modèle de réseaux sociaux qu'il contrôle totalement, y voyant une aubaine technologique pour surveiller la population. Enfin, l'Union européenne, elle, n'a pas cherché à développer ses propres géants du numérique, mais s'est montrée pionnière pour édicter des règles afin de garantir la sécurité et la souveraineté des données. L'Europe, puissance normative, a à défaut d'autre chose. Pour aller plus loin, Planète Média, géopolitique des réseaux et de l'influence, par Philippe Boulanger chez Armand Collin. Et puis La civilisation du poisson rouge par Bruno Patineau. L'actuel président d'Arte dresse un tableau référencé des dérives de l'économie de l'attention, publié aux éditions Grasset en avril 2019. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. À bientôt. Le 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a fait voler en éclats le mythe selon lequel un accident sur un réacteur nucléaire n'aurait de conséquences que sur un territoire très limité. Mais en France, 10 jours après l'explosion, le mythe était encore bien vivant. Un communiqué du ministère de l'Agriculture du 6 mai 1986 affirmait que « le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl. 5 jours plus tôt, les panaches radioactifs recouvraient pourtant tout le territoire français, en dépit des prévisions de la météorologie nationale qui suggéraient par un signe stop que les masses d'air contaminées n'atteindraient pas l'hexagone. En réaction à ce mensonge, un groupe de citoyens a alors décidé de créer une association dotée de son propre laboratoire de mesure de la radioactivité. C'est ainsi qu'est née la CRIRAD, la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Il lui faudra une quinzaine d'années d'efforts pour contraindre les autorités françaises à publier les véritables cartes de contamination des sols. Tchernobyl a été présenté comme un accident soviétique qui ne pouvait concerner les réacteurs occidentaux. En mars 2011, la catastrophe à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon, un pays occidental parmi les plus modernes, mettait fin à ce nouveau mythe. Le laboratoire de la CRIRAD s'est mobilisé pour donner des informations sur les conséquences de l'accident de Fukushima en France, où il a détecté les premières retombées 16 jours après le début des rejets. Il a dénoncé la gravité de la situation au Japon et a soutenu la réalisation de contrôles indépendants sur le terrain. Confronté aux mensonges des autorités et aux défauts de protection de la population, des citoyens japonais ont souhaité réaliser leurs propres mesures et essayer de se procurer des compteurs GEGER pour mesurer le taux de radiation ambiant, mais il y a eu une véritable pénurie d'appareils au Japon. La CRIRAD a envoyé des appareils de mesure sur place et entamé une collaboration active avec Wataru Iwata, un artiste japonais qui s'est mobilisé pour connaître la vérité sur les niveaux de contamination et venir en aide aux habitants des territoires contaminés. Wataru Iwata a contacté la CRIRAD dès avril 2011. Le directeur du laboratoire, Bruno Charéron, a échangé des dizaines de mails avec Wataru Iwata pour lui donner des informations sur la radioactivité, sur les risques pour la santé et sur la manière de se protéger. La CRIRAD a tourné en urgence des vidéos en anglais et les a mises en ligne. Elles ont servi de support pour l'utilisation d'une dizaine d'appareils de mesure envoyés au Japon. Parmi eux, un appareil appelé scintillomètre, qui permet de détecter rapidement le niveau de rayonnement gamma exprimé en coups par seconde. Lorsqu'on allume le scintillomètre, on mesure dans cette pièce un niveau naturel qui est de l'ordre de 40 à 50 coups par seconde. Cela veut dire qu'à chaque seconde, 40 à 50 rayons gamma invisibles émis par le sol ou les murs sont détectés par l'appareil. Ils sont liés à la désintégration d'éléments radioactifs naturels présents en faible quantité dans l'écorce terrestre. Mais la dispersion dans l'environnement des éléments radioactifs artificiels produits dans le cœur des réacteurs nucléaires entraîne une forte augmentation des niveaux de radiation. Suite aux retombées de Fukushima, les valeurs atteindront sur de vastes territoires des centaines et des milliers de coups par seconde et même au-delà. Ces radiations invisibles déposent dans notre corps une dose de radiation exprimée en microsieverts. Pour la mesurer, la CRIRAD a également envoyé plusieurs compteurs GEGER grand public comme le RADEX, mais aussi un compteur proportionnel qui permet de mesurer le débit de dose ambiant exprimé en microsieverts par heure, ainsi qu'un dosimètre électronique individuel afin que Wataru puisse enregistrer en permanence la dose de radiation accumulée dans son organisme. Avant la catastrophe de Fukushima, le niveau naturel de débit de dose était nettement inférieur à 0,1 microsievert par heure. Après les premières retombées radioactives, des valeurs 10 fois, 100 fois et même plus de 1000 fois supérieures seront enregistrées, même à plus de 30 km du réacteur accidenté. Muni de ses appareils, Wataru Iwata a pu aller dans les zones contaminées par les retombées radioactives, en particulier dans la préfecture de Fukushima et les préfectures voisines, et venir en aide aux habitants. Voir que des citoyens vaquaient à leurs occupations alors que les niveaux de radiation étaient plus de 50 fois supérieurs à la normale l'a bouleversé. La CRIRAD contribuera ainsi à la mise en place de 9 laboratoires citoyens dans la préfecture de Fukushima et un à Tokyo, les Citizen Radioactivity Monitoring Stations, CRMS. Vampicité dans la débile, la méquette dans la mafia, un coup de sourdine, de succombine, et t'avais ton radar. Tandis toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est toi que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pour riche, et te v'la riche, avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pépin. Méfie la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui te gênent, et la mafia elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, car pour louer sous la dalle, c'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Bonjour. Pour déconner à plein tube en économie, il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études, mais ça aide. Cette phrase, c'est l'une des multiples perles d'un livre paru aux éditions du Seuil, un livre qui est à la fois dense et drôle, qui est savant et familier, qui est grave et jubilatoire, donc son titre, La déconomie, quand l'empire de la bêtise surpasse celui de l'argent. Son auteur, Jacques Généreux, bonjour. Bonjour. Jacques Généreux, donc, vous êtes économiste. Vous nous direz s'il vous arrive de temps en temps d'être d'économiste aussi, peut-être. Vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, membre des économistes atterrés. Puis vous êtes, on le sait, l'un des architectes du programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Alors, à propos de vos collègues économistes, vous avez quelques phrases quand même qui sont pas piquées des vers, hein. Je vais en citer quelques-unes. Fatras d'ânerie, déni de désastre, épidémie de bêtises. Prix Nobel qui ignore les rudiments de mécanismes économiques qui n'ont aucun secret pour l'épicier du coin. Alors bon, on va arrêter là les citations. Qu'est-ce qui vous ont fait, vos confrères économistes ou d'économistes, pour se faire traiter comme ça ? Ah ben, ils ne m'ont rien fait et comprenez bien que je ne traite pas des personnes. C'est-à-dire que mon but n'est pas de m'en prendre à des gens, à des personnes. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Voilà, je dénonce des analyses, des propos, etc., qui sont absurdes. Et quand je dis d'économie, oui. C'est pas pour provoquer, c'est que je n'ai pas trouvé autre chose pour trouver dans la langue française comment on exprime le fait que nous ayons un système économique qui n'est pas seulement inefficace, mais qui tue des gens, qui nous fait respirer un air cancérigène, qui fait souffrir les gens au travail, pour exprimer le fait que les politiques économiques, par exemple, menées en Europe depuis 8 ans, depuis la crise, sont des politiques absurdes, qui non seulement ne nous sortent pas de la crise, mais même qui les aggravent, qui nous enfoncent. Et pour couronner le tout, le fait que toutes ces absurdités ne viennent pas simplement de ce qu'on aurait des politiques qui seraient idiots, incompétents ou juste au service de quelque intérêt privé. Il se trouve qu'ils ne font que répéter et mettre en œuvre ce qu'ils ont appris à l'école et à l'université au cours des 30 ou 40 dernières années. Et ils ont le soutien de l'immense majorité de la communauté des économistes qui défendent une théorie dans laquelle il n'y a pas de crise, la spéculation financière ne joue aucun rôle. Tout ça est fou. Incroyable, stupide. Et donc, comment vous dites pour dire un truc qui est incroyable, stupide, fou, absurde, catastrophique? Ça déconne, c'est véritablement déconnant. Et il y a un moment, je m'arrête là, il y a un moment où, et c'est un homme de gauche qui parle, donc ça a du poids, il y a un moment où, certes, l'analyse en termes de rapport de on va de parler force, de tout ça, la domination du ça, capital nouveau, ce qui que explique vous dites, les là. Choses, oui. Ça c'est vrai, ça part de vérité oui. Dans le capitalisme financiarisé, la dimension du pouvoir de l'argent. Mais il y a un moment où je dis, mais attention, il faut constater que nous avons finalement une immense majorité d'élites politiques, d'élus, de droite, de gauche, d'intellectuels, d'experts, voire même d'une partie de la profession des médias et des journalistes qui redisent les mêmes âneries, les mêmes bêtises, qui semblent tous touchés par la même épidémie de bêtises. Ils disent les mêmes stupidités économiques. Peut-être qu'à un moment, il faut prendre au sérieux le fait qu'ils croient vraiment à leur connerie. Mais est-ce que là, précisément sur ce point, vous ne remettez pas en cause, au fond, une critique marxiste qui consiste à dire que tout cela, c'est de la déconomie, c'est de la déconnade, enfin, je ne sais pas comment quel mot utiliser. Puis on ne va pas dire de la bêtise. De la bêtise. Mais ce qu'on entend en général à gauche et à la gauche de la gauche, dans la vraie gauche, c'est que tout ça, non, c'est pas absurde du tout, c'est volontaire, c'est voulu, c'est organisé pour servir des intérêts privés. Et vous, avec votre livre, vous, l'homme de gauche, vous venez nous dire non, c'est bête, c'est absurde parce que c'est absurde et c'est là qu'est le problème. Alors, précisons, je ne dis pas non et j'ai suffisamment écrit de livres pour montrer comment on instrumentalise les crises, on manipule l'opinion pour privatiser l'État et les politiques et les mettre au service d'intérêts privés, pour ne pas être suspecté de vouloir évacuer la lutte des classes et le pouvoir du capital en mettant en avant des explications intellectuelles, mais idéologiques et psychologiques. Donc je suis plutôt dans la lignée d'un certain Gramsci, qui est un marxiste pur jus, mais qui a eu l'intelligence au siècle dernier de dire « Attention, tout ne s'explique pas par le pouvoir du capital et la domination brute. Nous sommes dans des sociétés, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, dans des sociétés où maintenant les choses se font par le vote, les choses se font par l'information, par la communication. Et mon Dieu, comme c'est vrai aujourd'hui. Et donc, dans ce système-là, il faut prendre en compte la force des idées et des croyances, et donc la force de la croyance dans des idées fausses. Et si ces idées fausses prospèrent, si le capital a effectivement du pouvoir de domination, c'est bien grâce à une forme de servitude volontaire, de masse entière, qui accepte de voter pour des gouvernements qui font à répétition des politiques imbéciles. Et c'est donc bien qu'il y a un moyen, le fait de croire à des âneries et à des stupidités devient une force matérielle de l'histoire. Et je signale pour les pseudo-marxistes qui ne l'auraient pas lu et qui ne les auraient pas lus que Marx et Engels eux-mêmes considéraient que les croyances populaires devenaient des forces matérielles de l'histoire. Donc c'est dans cette optique-là. Arrêtons de dire que c'est trop facile. Ce serait saugrenu de faire l'hypothèse que si on a des politiques imbéciles et un système criminel qui perdure depuis 30 ans ou 40 ans, c'est parce que la quasi-totalité des élus, de droite comme de gauche, la quasi-totalité des experts, des économistes, la quasi-totalité des journalistes qui véhiculent cette même idée, cette idéologie, sont tous dévalés au service du capital. Ça n'a aucun sens. Quand on sait surtout que ce système et ces politiques ne profitent qu'à 5, 10% de la population. L'intérêt économique objectif de tout le monde, c'est de changer de politique, c'est de changer de système. Bon, mais le système perdure. Donc, est-ce que vous dites quelque part, c'est que ce monde, cette masse, ces gens, ces milliers de gens, ces intellectuels, ces journalistes, au fond, ont une sorte de croyance. Vous comparez ça à une religion. Oui, absolument, parce qu'il n'y a plus de fondement. C'est-à-dire, si on prend l'exemple, quand on prend la théorie économique dominante qui est enseignée maintenant dans les facultés, les grandes écoles depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, qui est techniquement à la base un courant qu'on appelle néoclassique, pour parler en termes plus vulgaires, c'est un courant qui croit à une économie scientifique mathématique qui décrit le monde comme un ensemble de marchés concurrentiels avec des acteurs purement rationnels, qui évacue l'histoire, qui évacue les rapports de force politique, qui évacue le rôle des institutions, qui évacue le rôle de la psychologie réelle des êtres humains, bref, qui évacue tout, toutes les sciences sociales, et qui fait une analyse économique fondée sur des machines à calculer, soi-disant humaines, qui pourraient régler tous les problèmes par des libres contrats sur des marchés. Basta, vous avez compris le sujet. Bon. Cette analyse économique qui est un courant, qui a toujours été, mais jusqu'à il y a 40 années, un courant parmi d'autres qui avait son importance, mais parmi d'autres, il y a des courants keynésiens, post-keynésiens, marxistes, institutionnalistes. Depuis une trentaine, une quarantaine d'années, ce courant est devenu dominant. Et donc, on continue maintenant de plus en plus, dans toutes les facultés, à enseigner une théorie économique, celle-là, qui est fausse. C'est-à-dire que tous ces postulats fondamentaux sur le fonctionnement du système, sur les comportements des individus, sont faux. C'est-à-dire qu'il est démontré par toutes les autres sciences que c'est faux, que les hypothèses sont fausses. Mais pourquoi alors ? Si vous dites c'est démontré, et de fait, de plus en plus de voix le disent dans le monde, qu'il est démontré qu'on avait fait fausse route. Et pourtant, cette fausse route est toujours consacrée comme la seule possible. Alors, c'est ça la déconomie. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a un élément, justement, là, parfaitement irrationnel. C'est-à-dire comment une communauté scientifique, une partie d'une communauté scientifique, parmi lesquelles, y compris des prix Nobel... Oui, vous citez Jean Tirole. Des gens très intelligents, très sérieux, qui parfois ont fait des travaux brillants. Par ailleurs, c'est pas ça la question. Mais, justement, c'est d'autant plus troublant. Parce qu'on aurait affaire à des crétins et des idiots. C'est absolument pas ça, et c'est pas ce que je dis. On a affaire à des esprits brillants, à des gens très intelligents. Et donc voilà que néanmoins, ces gens-là vont vous écrire comme Stigler un prix Nobel dans les années 70. Oui, mais quand les faits donnent tort à la théorie, c'est la théorie qui a raison et la réalité qui a tort. C'est quoi ça ? Ça, c'est le discours obscurantiste de la religion. C'est-à-dire, c'est qu'on a en fait un corpus économique qui croit que son modèle est plus valable que la réalité. Et que si le monde ne fonctionne pas comme un système de marché parfait, eh bien c'est le monde qui a tort, c'est leur modèle. Donc ce n'est pas une théorie scientifique, c'est une idéologie normative qui prétend définir comment devrait fonctionner dans l'idéal la société. Et qui mécaniquement devient inquisitorial. Vous en parlez dans le livre, on ne va pas caricaturer votre propos. Vous ne vous en prenez pas spécialement à Jean Tirole. Mais à un moment donné, par rapport à un courrier que Jean Tirole a envoyé pour demander au ministère de ne pas engagés de chercheurs ou d'économistes qui ne seraient pas dans ce que lui croit, dans ce que vous venez de dire, vous dites ben là, on est plus dans Torquemada que dans Newton. C'est quand même assez fort comme formule. Enfin, que les choses soient claires. Il y a 400 pages. Je ne traite pas Jean Tirole d'inquisiteur. Loin de moi cette attention. Je veux dire que cette pratique, cette méthode qui consiste à écrire un ministre, à intervenir, ce n'est pas seulement lui, il y a eu un ensemble de professeurs tout à fait éminents, qui interviennent auprès du gouvernement pour faire quoi ? Pour bloquer la création d'une nouvelle section du Conseil national des universités qui permettrait d'avoir des recrutements qui ne recruteraient pas que, parce que c'est le cas depuis 30 ans, que des professeurs agrégés qui sont dans le moule de cette économie de marché mathématique pure et parfaite, mais qui recruteraient des économistes qui font autre chose, qui pratiquent d'autres méthodes, qui sont post-keynésiens, institutionnalistes, qui ne sont pas dans le dogme. Et qui ont été éradiqués au cours des 30 dernières années. C'est-à-dire pour rétablir du pluralisme dans la recherche et dans l'enseignement. Donc écrire pour dire « Ah non, surtout pas, ne faites pas ça », parce qu'on ne peut pas concevoir, comme l'écrit Jean Tirole dans son dernier livre, on ne peut pas concevoir qu'il y ait plusieurs communautés au sein d'une même discipline. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est qu'un domaine de pensée où on dit « Il est interdit, on ne peut pas concevoir qu'il y ait plusieurs communautés ». Dans toute science, il y a différentes communautés de pensée qui coexistent. C'est ça le but même de la science. Et voir une partie, en plus la partie dominante, intervenir, ne surtout pas, il est hors de question de créer des filières qui permettraient de faire des postes pour des gens qui ne pensent pas comme nous. On est dans la démarche sectaire. Jacques Généreux, on en sort comment de cette déconomie, comme vous dites, de cette forme de religion comment on redevient un peu à une économie laïque ? Alors, une des clés de mon livre, qui est peut-être assez pessimiste, mais qui est le but, c'est de faire le bon diagnostic. c'est aussi d'essayer de comprendre ce que j'appelle cette bêtise des intelligents. Pourquoi des choses absurdes peuvent être partagées par autant de gens qui, par ailleurs, sont des esprits tout à fait brillants. Parce que l'intelligence n'est pas naturelle. Je m'appuie beaucoup sur les connaissances, justement, des sciences de l'homme, que ce soit la psychologie cognitive, expérimentale ou de la neurobiologie. Nous savons que la réflexion bien pesée, rationnelle, n'est pas un réflexe, n'est pas quelque chose de naturel. Nous avons une pensée réflexe qui est bourrée de biais cognitifs. Donc, il faut l'enseigner. Et je montre comment, sous ces biais cognitifs, justement, perturbe la pensée politique et la pensée économique et explique que des gens puissent être dans le déni, dans le maintien de croyances folles et absurdes. En réalité, tout ça est parfaitement naturel. Donc, comme je le dis, et je me mets moi-même là-dedans, nous avons tous les capacités à être très intelligents, mais nous sommes tous très cons à nos heures. Moi le premier, je dis même que ce livre est écrit par un con intelligent. Voilà. Il est écrit pour les cons intelligents, dites-vous. Parce que naturellement, nous pensons bêtement. Bon, il faut se désintoxiquer. Et donc, l'intelligence, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'éduque. Et ce que je dis, c'est que nos précédents reconstructeurs, par exemple, de l'après-guerre, qui ont pensé aller vers une économie plus coopérative, plus régulée, vers des relations économiques plus coopératives, vers l'extension de la démocratie représentative, une chose qu'ils ont oubliée, c'est que 40 ans plus tard, quand aurait passé la génération et leurs enfants qui avaient connu la guerre, qui avaient connu le désastre et tous les sacrifices qui avaient été nécessaires pour réparer les erreurs des années 20 et des années 30, quand ces générations auraient disparu, eh bien, ils pouvaient être remplacés par une génération de consommateurs repus, gavés de télévision et de bêtises, de politiques ne pensant qu'à leur carrière et n'ayant absolument rien dans le citron, n'ayant aucune espèce de compétence quant à la recherche du bien commun et qui n'ayant pas connu justement cette tragédie qui nécessitait un retour, eh bien, détruirait toute l'œuvre de ces reconstructeurs. C'est ce qui s'est passé depuis 30 ans, 40 ans. Une génération d'imbéciles heureux qui sont revenus et qui répètent les mêmes âneries, les mêmes idéologies que l'on trouvait dans les années 20 avant, dans la période qui a préparé la Grande Dépression. Donc, je m'adresse un peu en quelque sorte, évidemment aux politiques de maintenant, investir dans l'intelligence collective des citoyens, ce qui est le terreau fondamental d'une vraie démocratie. Il ne suffit pas d'avoir juste le droit de vote. Il faut que ce droit de vote soit effectif, c'est-à-dire que les citoyens aient effectivement le pouvoir dans les institutions. Ça, c'est tout un programme. Je suis particulièrement attaché au fait que dans le programme de la France Insoumise, justement, auquel je participe, un axe essentiel soit de redonner ce pouvoir aux citoyens et investir dans l'intelligence de manière très, très précoce, dans l'esprit critique, dans l'art de la délibération, de la discussion collective, sur le peuple citoyen. Il n'y a que ça qui peut nous sauver, mais le peuple citoyen, c'est un projet, ça n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose que la société construit à travers des politiques visant délibérément à développer l'intelligence collective. Un dernier petit mot, vraiment tout petit, parce qu'on parle beaucoup de François Fillon et pour cause en ce moment, son programme économique, qui est très standard, un programme standard thatchérien, dit-on, vous le jugez totalement déconnant ? Ben ici, il est étonnant. Bon, voilà, pour le moins, et au point effectivement qu'il rentre plus que, on est presque dans l'apothéose de la déconomie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment où la démonstration a été faite, que la solution qui consiste à imposer juste des réductions de postes, des réductions de dépenses publiques, enfin, cette logique austéritaire qui prend l'État comme cible, etc. est une stupidité sans nom, est une catastrophe, n'est pas soutenable socialement, mais surtout, on se croirait revenu véritablement aux années 20. Vous avez des élites qui disent, face à une crise, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah bien, il faut saigner le patient hémorragique. Bref, donc on revient à des idées fausses, mais je dirais de manière extrême et caricaturale. Alors, on peut dire, d'une part, que on est dans la stratégie politicienne de marketing politique en partie. Les gens se positionnent par différenciation. Oui, on est dans une primaire. Enfin, c'est un des éléments qui fausse les choses et dont il ne faut pas être dupe. Mais en même temps, vous avez des gens qui sont dangereux parce qu'ils croient vraiment à leur stupidité et à leur connerie. C'est absolument dramatique de penser que quelqu'un aujourd'hui qui a été Premier ministre, qui fait de la politique depuis 30 ans, qui a vu ce qui s'est passé. Ça a fonctionné, la rigueur du temps de Juppé. Ça a fonctionné, la rigueur en Europe pendant la crise.

Donc, première question, quelles seront les thématiques de votre déplacement ici en Guyane ? Ah, attendez, d'abord, laissez-moi vous dire merci de vous intéresser à mon arrivée. C'est très flatteur pour moi. Je suis dans un calendrier super contraint, parce que cette campagne présidentielle, vous savez que c'est la troisième que je fais, elle a 15 jours de moins que la précédente. Donc, si vous voulez, le devoir qu'on a, si on veut faire vivre l'élection présidentielle, avec respect pour les citoyens. Il y a un certain nombre de départements et de territoires d'outre-mer dans lesquels il faut être présent pour s'expliquer, pour discuter. Alors, c'est le cas notamment de la Guyane. Donc il y a la Guyane, il y a les Caraïbes, il y a l'océan Indien. Alors j'ai essayé de me caler sur le programme des tirs de la fusée Ariane. Et pourquoi vous rigolez, vous, là ? Oui, il fallait un point d'appui. Alors pourquoi j'ai pris ça comme repère ? Parce que je me suis dit, c'est un peu ballot si je vais en Guyane. Je vais, comme la dernière fois, je vais à Kourou, pouf, il n'y a pas de fusée. Bon. Et surtout, ça va me permettre d'avoir, à l'occasion de mon passage ici, un discours à vocation nationale et pas seulement guyanais. Et je trouve que c'est une bonne manière de travailler comme ça, d'utiliser chacune des situations pour parler à tout le pays sur la question de l'espace, qui est assez crucial. Mais évidemment, j'ai bien d'autres choses à faire. Alors, je vais vous dire d'abord le changement de regard. Moi, il y a plein de gens qui pensent, autrefois, pardon, on pensait, si vous voulez, qu'il y avait la grosse locomotive de l'Hexagone, et puis, bon, à plus ou moins long terme, tout le monde finirait par passer par les mêmes points. Ça, c'est fini. Alors, ce que l'Hexagone ne sait pas, c'est qu'il est dans une situation qui est la même carte que l'on voit pratiquement maintenant dans tous les dom-toms, mais sur une large partie du territoire hexagonal. C'est-à-dire des contrastes énormes de fortune, des contrastes énormes de conditions de vie, logement, soins, école, etc. Et donc, en quelque sorte, le rapport qu'on doit avoir aux territoires et départements d'outre-mer, à moi, je les vois de manière inversée par rapport à ce que je voyais autrefois, avant qu'on entre, à partir de 2008, dans ce truc qui a fini par tout fracasser, qui est la crise du néolibéralisme. Donc vous avez des situations où vous êtes en première ligne, et vous êtes en première ligne aussi des solutions à formuler. Voilà, alors je viens ici autant apprendre que dire des choses à mes amis. J'ai quand même des amis ici. Bon. Et notamment ceux qui dorénavant président la collectivité. Et par conséquent, ils me font l'honneur de me recevoir dans une réunion d'élus de l'Assemblée. On va avoir un échange sur la question institutionnelle, je pense essentiellement, parce que c'est ce qui a l'air d'être travaillé. Pour le reste, moi, ce qui m'occupe, c'est les questions de eau, de l'eau, d'abord, encore et encore et encore, parce que c'est le grand défi du XXIe siècle. L'Hexagone lui-même ne sait pas qu'il est entré dans une crise majeure de l'eau. Il continue à croire, comme il y a des événements méditerranéens terrifiants dans le sud du pays, ils oublient que nous sommes entrés en sécheresse dans d'amples secteurs du pays. Et puis après, il y a la question de la forêt et la question de l'énergie. Alors, bon, là, pour l'instant, je réserve mes commentaires, hein, parce que je fais qu'arriver. Mais comme je suis déjà venu deux fois ou trois fois ici, je vais pouvoir comparer ce qu'on m'a dit à chaque fois avec ce que je vois. Alors, bon, ça sera à mon tour, à moi, d'avoir un œil un peu critique, hein, un peu... voilà. Alors, bon, après, vous savez, vous connaissez mes liens en particulier avec le territoire de la Guyane. Ils sont anciens. Mon père a été le receveur à la poste de Kourou. Gabriel Serville est un ami. Peut-être que, comme toujours, on dit qu'on est nul n'est prophète en son pays, que vous ne mesurez pas l'autorité qu'il peut avoir, lui, là-bas, à l'Assemblée nationale, dans le groupe GDR, lui aussi, pour les Insoumis, puis je pense beaucoup d'autres collègues. Donc ça va être un moment assez intense pour moi que le passage ici, en Guyane. Alors après, bon... Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Il ne faut pas que je réponde à toutes les questions. Que pensez-vous du mouvement actuellement ? Le mouvement de la caravane pour la liberté, ainsi que toutes les arrestations qui ont pu avoir lieu sur le territoire en marge de ce mouvement. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Écoutez, moi je crois que quand on est dans une crise aussi grave que celle qu'on a, ce qui est normal, c'est que les gens se mettent en mouvement du point de vue des opinions qui les occupent, qu'ils croient justes et bonnes pour tout le monde. Ça, en soi, c'est une bonne et pas une mauvaise chose. Il y en a beaucoup qui considèrent que quand il y a une crise, le rôle de chacun, c'est de fermer sa bouche et de rester à la maison. Non, non. Il faut se mêler des affaires publiques. Quand on est dans cette situation, il y a un devoir de respect à l'égard des citoyens et un devoir d'apaisement. Donc les autorités ne gagnent rien à brutaliser les gens. On ne gagne rien à procéder à des sentences qui sont aussi violentes que celles dont j'ai entendu parler avant de venir ici. Parce que les syndicalistes qui ont été condamnés, vous savez, c'est toujours difficile de discuter une décision de justice. On dit alors bon, vous respectez, on va quand même donner son avis. Je peux dire que ce n'est pas raisonnable de condamner à 18 mois de prison ferme des gens qui ont brûlé trois palettes. Parce que si on faisait ça, je vais vous dire qu'il y en a un paquet en métropole qui serait en prison. Hein, et puis pas qu'un peu. Hein. Bon, je n'ai rien à dire contre le fait qu'on la recherche panoise. Hein. Je ne sais pas si ceux qui ont mis le feu au Parlement de Bretagne n'ont jamais été attrapés. Donc je suis pour qu'on apaise, on pacifie et qu'on ne brutalise pas les gens. Quand on est en difficulté comme on l'est, et vous l'êtes en Guyane, parce que vous le faites avec beaucoup de pudeur, je connais la situation, j'ai lu les chiffres, je sais où on en est, je sais qu'il y a parmi vous une immense méfiance à l'égard de toute parole institutionnelle, ne croyez pas que vous soyez les seuls comme ça, parce que c'est le cas dans l'Hexagone et c'est le cas dans de nombreux départements et territoires d'outre-mer. Alors, si on doit discuter de la crise sanitaire, on va le faire. Moi, je vais parler avec tous ceux que je veux voir. Je vais arriver à comprendre quand même hein, ce qui se passe, pourquoi vous agissez comme ci plutôt que comme ça. Dans ce genre de situation, il faut que tout le monde baisse d'un ton. Parce que, voyez-vous, aucune génération, je parle là pour la politique, hein, aucune génération politique n'a connu une crise sanitaire de cette nature. Aucune. Donc, on découvre. Donc, tout le monde doit faire preuve de maîtrise de soi, le temps de comprendre. Et je rappelle que si l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut convaincre et pas contraindre à propos du vaccin, alors vous pouvez trouver ça insuffisant ou pour d'autres abusif. En attendant, c'est une autorité mondiale, on peut quand même penser qu'ils savent de quoi ils parlent. Eh bien, s'il faut convaincre et non pas contraindre, que doit-on faire ? Ne pas contraindre et convaincre. Et j'ai l'impression que souvent, bien des autorités considère que l'étape conviction, c'est une formalité administrative. Non, il faut convaincre des gens, et voilà. Alors moi, je ne vais pas vous cacher qui je suis ni où, hein. Moi, je suis vacciné. Je l'ai fait pour réduire le risque, parce qu'on m'a dit que je réduisais le risque pour moi, et aussi pour les autres, mais surtout pour moi, m'a-t-on dit, voilà. Mais je ne chercherai pas à vous dire ce que vous devez faire. Après tout, tout le monde est adulte, non, et capable de savoir ce qui est bon pour lui, pour bon sa famille. On peut discuter, je vous recommande de rester toujours... Voilà. Moi, je ne vais pas donner d'autres conseils que ça, parce que je ne suis pas venu pour donner des conseils, ni pour donner des ordres. Mais je vous recommande d'écouter, de discuter, de parler, de faire plutôt confiance à ça que à des choses comme ça, catégoriques, on ne parle plus, on ne s'écoute plus. Ça, ce n'est pas bon pour une société. Mais après tout, vous ferez bien comme vous voulez. Vous êtes, c'est la loi de la vie. Juste peut-être une dernière question. J'en vous êtes le premier candidat à la présidentielle. Ils vont tous venir par jalousie de moi. C'est un territoire où il y a un fort sentiment d'abandon par rapport à Paris. Un territoire où la moitié des foyers vivent sous le seuil de pauvreté, avec des taux de chômage record. Qu'est-ce que vous allez dire justement aux Guyanais sur ces sujets? Écoutez, ce que je vais dire aux Guyanais, c'est les solutions que propose l'avenir en commun. Mais je veux dire le plus important. Ce n'est pas ce que je vais dire aux Guyanais, c'est ce que je vais dire aux hexagonaux quand je vais rentrer. Parce que ce que je voudrais qu'ils arrivent à comprendre, si jamais ils arrivent à s'intéresser à autre chose qu'à leur nombril, s'ils regardent la France comme elle est. La France comme elle est, c'est sur 5 continents. D'accord ? Ce n'est pas juste Paris et la région parisienne. Il y a déjà bien des problèmes. D'accord ? Donc, que se passe-t-il ici ? C'est un des départements les plus jeunes du pays. Il y a un vieil adage qui dit... Chaque génération est un peuple nouveau. Ça va être quoi le peuple nouveau où vous avez abandonné 15 000 gosses sans scolarité? Qu'est-ce que c'est ce peuple nouveau qui n'a juste qu'envie d'une chose, c'est de vivre? Est-ce qu'on lui dit non, tu n'as pas le droit, tu vivras avec moi, tu auras moins de moyens? Non. Alors c'est ça que je vais dire quand je vais rentrer, parce que je veux voir de mes yeux les deux, trois choses que je n'ai pas encore vues. Je sens qu'on est pas mal hein, sur votre coin. Voilà. Alors ici, évidemment, je vais proposer les solutions. Bon, bah, c'est des solutions rigoureuses, hein. Bon, ça, déjà, il vous manque 2 milliards, vous croyez que je ne le sais pas? Dernière fois, vous avez fait quelque chose d'unique et d'admirable. Une véritable révolution citoyenne, avec le grand contrat ou accord, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. On en a fait un film, nous, qu'il y avait eu quand il y a eu cette grande mobilisation. Et chose 2017. Incroyable, vous vous êtes tous mis d'accord. C'est quand même, c'est pas facile à faire, hein. Et vous avez donné des idées, parce qu'à Mayotte, ils ont fait pareil. Ils ont fait un grand document. À l'époque, on a dit, on va le mettre en route. Admettons, il y avait du retard, ceci, cela. Vous étiez prêts à être indulgents. Mais maintenant, s'il manque 2 milliards, c'est rien la somme qui est demandée par rapport à la puissance, la richesse du pays. Il vous fallait 3 milliards, c'est une année d'ISF. C'est rien du tout. Enfin, il faut rétablir l'ISF, vous me direz avant. Mais c'est pour vous dire, il ne faut pas que les Guyanaises, les Guyanais croient que ce qu'ils demandent est impossible. Ce n'est pas vrai, c'est possible. Il faut s'en donner les moyens. Nous, nous pensons que nous savons comment faire. En plus, ce qui tombe bien, c'est que maintenant, avec la nouvelle direction de la collectivité, on est bien en phase, on se comprend bien. Donc, si c'est moi qui suis élu, il est tout à fait clair que ça va aller beaucoup plus vite dans la relation avec Gabriel, avec toutes les équipes qu'il y a là. Quoi. Je le sais, tout le monde le sait. Alors, on compte bien là-dessus. Tout merci. Ça se tient. Hein. Merci beaucoup. Bon, mais en tout cas, merci d'être venu. De toute façon, il y aura d'autres rendez-vous. Là, vous avez des raisons. Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'omarie changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. C'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui quand je rapine you, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smoking changeront de valise, alors la vie est gentlement, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Député du Nord, coordinateur de la France insoumise, numéro 2 du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, dit-on couramment. Plan d'investissement, 30 milliards annoncés tout à l'heure par Emmanuel Macron à l'Élysée. Un plan présenté comme important pour retrouver notre destin industriel. Un coup de pouce notamment au nucléaire est attendu pour assurer notre indépendance énergétique et lutter contre le réchauffement climatique. C'est incontournable. D'abord, une chose, c'est la campagne de Monsieur Bricolage, cette histoire. C'est-à-dire qu'on a Emmanuel Macron qui, aujourd'hui, fait des sorties, fait des annonces, souvent d'ailleurs déjà budgétées, et on a l'impression que, comme ça, il rase gratis. En réalité, bon, on parle de 30 à 50 milliards d'investissements. Si vous regardez ce que c'est par rapport aux investissements courants, c'est 3 à 6 milliards par an, c'est à peine plus, en réalité, que ce qu'on fait d'habitude. Et puis le tout sans aucune vision stratégique. Je rappelle que l'essentiel du plan de relance que nous a beaucoup vendu Emmanuel Macron... Ça a consisté finalement en des baisses d'impôts de toutes sortes, envers les grandes entreprises notamment, sans aucune contrepartie. Et y compris d'ailleurs le budget de la sécurité sociale, je veux le dire, est atteint par tout ça. Parce que on a fait toutes sortes d'exonérations qui ensuite viennent finalement aggraver le trou de la sécu. Qui peut-être permettront d'ailleurs demain à Emmanuel Macron de dire « Regardez, il y a un trou dans les caisses ». Il faut faire des réformes, comme notamment celle des retraites. Donc d'abord, Vous permettez qu'on revienne donc à ma question, Adrien Quatennens. Donc vous dites d'abord, sur le principe, ce plan, Monsieur Bricolage. Bien sûr. Vous êtes plutôt Monsieur Plus, vous voudriez que ce soit beaucoup mais plus. Mais c'est-à-dire que ça, surtout, c'est juste chose. D'un mot, Martichoux, entre ce bricolage, en effet, et la vision que nous portons avec Jean-Luc Mélenchon, qui pour le coup donnerait véritablement de la visibilité aux entreprises. Nous, vous le savez, nous voulons faire la bifurcation écologique, planifier la bifurcation écologique de notre économie. C'est donner de la visibilité, dire dans quel secteur on investit pour l'avenir, pas faire des sorties hasardeuses comme celle de M. Macron, qui incontestablement aujourd'hui est en campagne électorale. Alors ça, vous n'avez pas tort, il est en campagne, mais il n'est pas encore déclaré candidat, d'une certaine façon. Mais pour revenir au nucléaire, parce qu'effectivement, le plan va donner un coup de pouce pour financer sans doute des mini-centrales. Vous, vous dites quoi? Vous dites le nucléaire, il faut en sortir le plus vite possible, en 2030? Il faut prendre une décision politique, en effet, et s'engager vers cette sortie. Emmanuel Macron nous a fait perdre beaucoup de temps. Au départ, on devait diminuer la part du nucléaire de 50% en 2025. Monsieur Macron a finalement alourdi ce temps de 10 années supplémentaires. Ça veut dire que sans cesse, on recule. D'abord, ce qu'il faut dire, Edith Martichoux, c'est que... Il a un peu changé, effectivement, sur ce plan-là. Ah, il est plus qu'un nucléaire qu'il ne l'a été. Vous faites comment ? Soyons précis, parce que c'est un débat de la présidentielle qui va être passionnant. Vous avez raison. Il faut comment vous faites pour en 2030 ? 2030, avait dit Jean-Luc Mélenchon. On est en 2020. En 10 ans, vous faites quoi ? Alors, bon, plusieurs choses. D'abord, commencez par dire que c'est une énergie du passé. Il ne s'agit pas d'en faire le grief à celles et ceux qui ont fait ce choix stratégique il y a des décennies. Mais Elisabeth Martichoux, notez que les réacteurs nucléaires français arrivent à terme sur le temps qu'ils avaient été prévus pour vivre. Donc la grande question qui se pose à nous, c'est de savoir si on veut en reprendre pour des décennies ou si on fait autre chose. Est-ce qu'on assure leur survie alors, dans les entretiens ? C'est pas tant leur survie, c'est de les faire continuer bien au-delà. Ça va coûter 100 à 150 milliards, le fameux grand carénage, c'est-à-dire investir dans le fait de prolonger la durée de vie de nos centrales. Madame Martichoux, je vous pose la question. Est-ce que vous préférez qu'on investisse 100 à 150 milliards d'euros pour prolonger ce modèle ? Ou est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'investir 100 à 150 milliards d'euros pour faire la bifurcation écologique, pour aller vers un 100% d'énergie renouvelable ? Alors j'entends le grand débat sur le thème « la priorité absolue, c'est de décarboner notre mix énergétique et donc on doit prendre appui sur le nucléaire ». C'est ce que disent les partisans du nucléaire. Moi, je leur demande d'entendre ceci. On a vu cet été, Elisabeth Martichoux, quand on a eu des fortes chaleurs, vous aviez 4 réacteurs sur 10 qui étaient fermés parce que on ne pouvait pas assurer leur refroidissement. Vous avez le GIEC qui nous prévoit les choses en 2050 avec Dunkerque qui se retrouve sous la flotte, la centrale de Blaye dans l'estuaire de la Gironde qui aura les pieds dans l'eau, et on a 25 millions de Français qui vivent à moins de 80 km d'une centrale nucléaire. Il y a aussi un pays comme l'Allemagne qui est juste à côté qui lui a fait le pari de sortir du nucléaire et qui maintenant fonctionne au charbon. Oui. Je vous demande comment vous faites pour éviter de nous remettre au charbon. Je connais tout cela, mais je veux commencer par le fait de dire que ces arguments d'autorité ne tiennent pas la route. Ce sont des arguments de réalité. Non, je vais vous dire pourquoi. On nous parle beaucoup d'indépendance énergétique. Oui. Vous aura pas échappé qu'on ne produit pas d'uranium en France, que nous allons chercher ça au Niger, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, avec y compris des questions sur nos relations géopolitiques. Au final, elle est assurée. Vous avez raison. Donc que s'agit-il de faire ? On a par exemple l'EPR, dont la facture a été multipliée par 6. C'est 19 milliards d'euros. Elisabeth Martichoux, même l'argument économique ne tient pas. C'est-à-dire que le coût du nucléaire EPR aujourd'hui, c'est 2 fois plus que le coût de l'éolien. Alors comment fait-on ? Voilà, je vais répondre à votre question. On va pas y passer des minutes. Mais entendez que le diagnostic est important. Non, mais si vous voulez, il y a 7 Français sur 10. Dites-moi, répondez à ma question. Je vais vous répondre, mais écoutez-moi, le diagnostic est important. Il y a 7 Français sur 10 qui sont pour aller, comme nous le proposons, vers 100% renouvelable. Comment va-t-on faire ? Il y a un scénario très sérieux qui s'appelle le scénario négawatt, qui prévoyait qu'on pouvait se séparer et se passer du nucléaire à horizon 2035. Alors bien sûr, on a perdu du temps. Mais ce que nous disons avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il faut le décider tout de suite. Mais comment ? Alors, d'abord, la première chose à faire, c'est d'assurer finalement l'isolation, l'efficacité, la sobriété. Parce que je suis d'accord avec vous pour dire qu'on ne pourra pas remplacer le nucléaire simplement par des énergies renouvelables. Économiser l'énergie. Première chose, voilà. Pour la production. Laissez-moi juste vous répondre. D'abord, nous proposons un plan qui est la rénovation de 700 000 logements par an pour, justement, l'isolation. Il n'aura échappé à personne que si la facture augmente, c'est aussi parce qu'on a beaucoup de passoires thermiques. Première chose. Ensuite, faire la transition énergétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire investir dans des énergies renouvelables où la France est à la traîne. Les hydroliennes, par exemple, dont on a bien trop peu parlé. Et puis la géothermie. Oui. Les éoliennes, quoi qu'on en pense, aujourd'hui, on sait... Les éoliennes, elles sont contestées, on dit qu'elles polluent. Même sur un aspect économique, le nucléaire coûte très cher. EDF a 60 milliards de dettes. Je vous l'ai dit, il faudra 100 à 150 milliards d'investissements. On a 80 milliards pour la gestion des déchets. Tout ça nous coûte extrêmement cher. D'autant plus que sur le stockage des déchets, on arrive quasiment à saturation à 2030. Aujourd'hui, nous sommes à combien ? Juste pour terminer, parce que je voudrais avancer, mais... On produit combien de renouvelables aujourd'hui ? Il y en a On en produit beaucoup trop peu. C'est-à-dire que, bah écoutez, le ratio entre renouvelables et nucléaires. D'abord, l'électricité n'est pas notre seule énergie. Alors, c'est 20% réponse... de la consommation. Mais aujourd'hui, en effet, c'est près de 80% de notre énergie électrique qui est d'origine nucléaire. Vous pensez passer de 20% de renouvelables aujourd'hui consommés à 100% à horizon 2050. C'est plus 2030 ? Mais le scénario négawatt qui disait 2035. Il a pris du retard sous l'effet du quinquennat de M. Macron. Donc, si vous voulez, entendez une chose. Vous ne voulez plus sortir du nucléaire en 2030. Si, on engage tout de suite la sortie. Mais vous ne pouvez plus, vous dites aujourd'hui. Mais Elisabeth Martichoux, personne ne peut croire raisonnablement, et entendez-moi, qu'on va finalement sortir du nucléaire en n'appuyant sur un interrupteur. Non, non, mais je sais pas. Mais est-ce que vous ne trouvez pas... Non, non, Jean-Luc Mélenchon a dit quelque chose de... la semaine dernière. Madame Martichoux, pardon, pardon. Qu'il n'y ait pas de confusion. Jean-Luc Mélenchon a dit, il y en a assez qu'on perde du temps, donc on attaque tout de suite. Dès qu'on arrive au pouvoir, on engage cela. Ça ne veut pas dire qu'on en sort demain matin. Soyons bien d'accord. Aussi, il a un peu évolué. Non, mais il faut mettre le paquet là-dedans. Est-ce que les arguments, juste une chose, est-ce que les arguments économiques, les arguments climatiques, et les arguments énergétiques avec la transition que je viens de vous opposer, est-ce que vous les trouvez irrationnels? Non, moi, je crois qu'ils sont au contraire très sérieux. C'est bien parce que vous faites les questions et les réponses, j'adore. écoutez, vous permettez aussi de faire parfois une partie de la réponse. Ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet sérieux. Et il ne s'agit pas d'en faire grief à ceux qui y travaillent. Il y a de l'emploi pour des décennies, y compris dernière, dans le secteur nucléaire. Nous parlons avec Fabien Roussel, il est le bienvenu pour un rassemblement. Or, le Parti communiste est favorable au nucléaire. Est-ce que c'est quand même une grosse divergence pour pouvoir envisager Mais, un rassemblement Vous savez, cette divergence, elle existait déjà dans les deux précédentes élections, où il ne vous Et aura vous pas étiez échappé que le Parti... notamment... Comment avions-nous fait? On avait traité notre divergence avec un choix démocratique qui était de dire, eh bien, nous soumettrons la question par référendum. Et moi, je suis assez confiant là-dessus, Madame Martichoux, puisque cet été, on a fait une grande enquête, un grand sondage demandé par un sondeur sur... 42 mesures les plus structurantes du programme L'Avenir en commun porté par Jean-Luc Mélenchon. Et on voit des taux d'adhésion qui sont très importants. Et notamment sur cette question, je vous l'ai dit, entendez ça, 7 Français sur 10 sont d'accord pour dire l'objectif doit être 100% renouvelable. Alors, il y a une majorité de Français favorable au nucléaire. Mais à quoi vous jouez? Non, je viens de vous dire le contraire. Non, ben moi je vous dis que selon un sondage d'il y a quelques mois, 2021... Il y a 59% des Français qui sont favorables au nucléaire. Et moi, je vous dis que selon un sondage qui date du mois d'août 2021, 7 Français sur 10 sont pour un objectif 100% renouvelable. Mais c'est sûr que si les arguments leur sont présentés, comme je viens de le faire, c'est une discussion tranquille qu'il faut qu'on ait. Absolument. Et on l'aura parce que c'est un débat passionnant de la présidentielle. À quoi vous jouez quand même avec l'union de la gauche? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai écouté en partie Jean-Luc Mélenchon. Il a été accueilli d'ailleurs... de façon pas triomphale, mais très positive par les étudiants de Sciences Po. C'est le moins qu'on puisse dire. La semaine dernière, vous y étiez peut-être. Et ils l'ont interrogé sur cette nécessité de l'union en vue de la présidentielle. Voilà ce qu'il répond. Nous ne pouvons pas nous entendre. Et si nous nous entendions, nous ferions fuir ceux qui votent pour nous. C'est moi qui dois baisser les yeux, enlever mon bonnet. Merci notre bon maître, vous voulez bien être à nouveau notre bon maître. Allez vous faire voir. Voilà, avec son style, manifestement assez successful, pour dire ça en bon français, il a dit « allez vous faire voir aux partenaires de la gauche ». Écoutez, si vous aviez passé... Mais c'est ça le message de bienvenue Votre question est terminée. Je peux vous répondre. Écoutez, oui, c'est pas à vous de juger merci. De la question. Non, mais du coup, si vous permettez que je vous réponde. Oui. Si vous aviez diffusé la longue séquence qui précédait, où il explique tout ce qui a été fait, écoutez, Madame Martichoux, il y a 2 ans maintenant, Jean-Luc Mélenchon, à la une d'un journal que vous connaissez, qui s'appelle Libération, proposait la Fédération populaire, qu'on se retrouve justement sur une base commune. Aux élections régionales, il ne vous aura pas échappé que la France insoumise a fait beaucoup de concessions pour faire la démonstration qu'on était capable de travailler avec tout le monde. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une chose qui est très claire, c'est que depuis le mois de novembre, nous savons en réalité, n'en déplaise à certains qui ont... De novembre 2020, nous savons que chacun décidera d'avoir un candidat. Rappelez-vous l'attention Surtout que... Vous. Alors, rappelez-vous, surtout Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est une déduction que nous avons faite de ce constat. Rappelez-vous de ces réunions beaucoup commentées, de M. Jadot, M. Faure, bras dessus, disant on va se retrouver. Ça n'est même plus à leur ordre du jour aujourd'hui. Ce que Jean-Luc Mélenchon veut dire très clairement, c'est que nous, le calcul que nous faisons, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une majorité visiblement d'adhésion pour des idées. Il faut maintenant la traduire en bulletin de vote. Alors, est-ce que le but est de se rassembler à tout prix? Je prends des exemples concrets, 2 seulement, pour vous parler. Madame Hidalgo, par exemple, ne veut pas du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Est-ce que nous devons renoncer à notre programme pour nous accorder avec Madame Hidalgo? Et si nous le faisions, est-ce que le programme que nous porterions éventuellement ensemble serait propulsif? Monsieur Jadot, par exemple, nous disons que nous avons besoin de faire un protectionnisme écologique. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon propose. Si, par exemple, on dit on arrête les pesticides en France, vous comprendrez bien qu'on ne va pas faire entrer les produits pourris de pesticides qui nous arrivent des autres pays européens. Il faut donc instaurer un protectionnisme. Ce protectionnisme écologique, il est contraire aux traités européens. Je n'ai pas entendu que M. Jadot remettait les traités européens en cause. Est-ce que, Mme Martichoux, je dois ranger le protectionnisme écologique dans ma besace? C'est ce que vous pour m'accorder Jean-Luc avec M. Donc, en fait, en si vous voulez... Allez vous faire foutre, on va pas d'ailleurs, passer vous, sous vous la... changez ces vous propos. Faire voir, oui, non, mais allez vous faire voir. Les choses sont très claires, si vous voulez. Mais notre salut, notre succès, ne passe aujourd'hui pas par un rassemblement sans condition. Bien sûr, il y a des dispersions inutiles qu'on pourrait éviter. Vous avez parlé à l'instant du Parti communiste français. Je ne comprends vous toujours pas. Vous regrettez la candidature Écoutez, de Fabien Roussel. Personne ne comprend que ce qui a été possible en 2012 et en 2017, non sans un certain succès, ne le soit pas en 2022. Mais pour autant, le plus ils important, ont voté. Ils ont le voté plus pour important, avoir un candidat. Oui, mais bien sûr, c'est leur droit. Mais attendez, je pense que tout ça n'est pas terminé. Parce que contrairement à certains. Avant le premier tour, il peut se jouer des choses. Écoutez, je l'espère. Avant le premier tour. Je l'espère. Moi, je vais vous dire une chose. Ouais. Contrairement à beaucoup, je crois, à gauche, nous n'avons pas renoncé à l'idée que 2022 pouvait être gagné. Je pense que l'une des principales difficultés qui que nous avons. Qui a renoncé à gauche, justement, écoutez, Fabien Roussel, Armand Montebourg, Anne Hidalgo. Fabien Roussel me démentira pas. Il nous arrive de discuter ensemble. On est tous les deux du Nord. On prend le train régulièrement ensemble. Déjà, à la fin de l'année 2020, il me disait penser que 2022 était perdu. Moi, je dis, avec des interlocuteurs qui nous disent que c'est perdu, on fait pas la même chose. Nous n'avons pas renoncé à l'idée qu'on pouvait l'emporter. D'ailleurs, la plupart des enquêtes d'opinion montrent l'avance de Jean-Luc Mélenchon au même étiage que celui auquel nous étions dans les sondages la fois dernière. Donc moi, je le dis, le plus important, c'est que les électeurs sachent se regrouper. Vous avez là un candidat, alors, Jean-Luc Mélenchon, autour un programme, l'avenir en commun, une stratégie qui le est l'Union populaire. Pardon, Adrien Quatennens, le gouvernement revoit la croissance à la hausse. Bruno Le Maire l'a dit hier, vous étiez peut-être à l'Assemblée à ce moment-là. Pouvez-vous admettre, donc plus 6,25%, pouvez-vous admettre que c'est une bonne nouvelle? Allez, on sort les trompettes, les tambours, et puis on fait la fête avec le gouvernement. Bah, on ne vous en demande pas tant. Je voudrais bien, Elisabeth Martichoux. La vérité, c'est que on nous parle de la... Je veux dire, c'est mieux que si c'était pire, si vous préférez, mais c'est mieux. C'est mieux que si c'était pire pour une raison très simple que tout économiste comprend, c'est que quand vous fermez un robinet complètement et qu'ensuite vous le réouvrez, vous avez une situation de croissance qui ne correspond pas à une situation normale. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens, plus que des statistiques. Et le gouvernement nous vend pétaradant une reprise économique. La vérité, Madame Martichoux, c'est qu'il y a 8 millions de Français aujourd'hui qui ont besoin de l'aide alimentaire. 2 millions qui y ont recours, 1 million depuis l'année dernière. Il y a un Français sur 3 qui peine à payer son loyer. Il y a un Français sur 5 qui doit sauter un repas pour boucler ses fins de mois. Le gouvernement dit qu'on n'a jamais fait mieux en termes d'augmentation du pouvoir d'achat. Mais alors, c'est le moment... Depuis trois mandats présidentiels. Fait mieux que sous Hollande et sous Sarkozy. Pour les très riches, c'est très clair. Les 500 familles les plus riches de France ont vu leur patrimoine doubler sous l'action d'Emmanuel Macron en un quinquennat. Et dans le même temps, il y a plus de 2 millions de pauvres en plus. Alors juste un instant, comprenez qu'il y a une politique mensongère, une propagande. Je vous prends c'est un exemple. C'est une forme d'indécence. Mais écoutez, évidemment, regardez. Pourquoi juste cet exemple. C'est un peu technique, mais regardez. Le gouvernement dit, les pauvres ont plus bénéficié de notre politique que les riches. Et il appuie sa démonstration en disant... 6,5% de hausse moyenne pour les 10% les plus pauvres contre 2,5% de hausse moyenne pour les 10% les plus riches. Et là, Madame Martichoux, comme vous êtes un esprit vif et intelligent, vous comprenez que 6,5% de hausse moyenne quand on est sur des sommes petites, celles des plus pauvres, c'est beaucoup moins en valeur que pour les plus riches. Donc, Monsieur Macron, il faut le dire, est le président des très riches qu'il a gavé pendant son quinquennat. Et d'une main, il a fait des baisses d'impôts considérables pour les plus riches, l'ISF, la flat tax. De l'autre, les petites choses qu'il a saupoudrées sont très temporaires. Et c'est Monsieur Macron aussi qui est allé quand même, rappelez-vous-en, gratter les 5 pauvres euros d'APL à celles ceux qui en avaient besoin. Tout le monde s'en rappelle. Donc il est temps d'en finir avec cela. Et c'est ce que nous allons faire en 2022 parce que l'urgence, c'est de partager les richesses et d'éradiquer cette pauvreté, d'augmenter les salaires comme nous le proposons, de faire qu'aucune pension de retraite pour une carrière complète soit inférieure au SMIC. Il faut soulager la vie des gens. Voilà ce qu'il faut faire. Trois questions rapides d'actualité. Le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi du sénateur Hervé Marseille, centriste, suggère de revenir sur la loi de cumul des mandats de 2014. On pourrait cumuler, selon sa proposition, un mandat de député avec celui d'un maire de moins de 10 000 habitants sans cumuler les indemnités. Est-ce que vous votez ça, si ça arrive à l'Assemblée ? Non, j'ai vu que pour le coup, Fabien Roussel, lui, était favorable. Ouais. Là, c'est une différence entre nous. Moi, je suis strictement opposé au cumul des mandats. Et indépendamment de la question même des indemnités... Même dans ces conditions, parce que le but, évidemment, c'est de faire en sorte que les élus ne soient pas déconnectés. Mais vous savez, il y a mille manières d'être connecté. Je pense que tous les parlementaires aujourd'hui, même s'ils ne sont plus des élus locaux par ailleurs, ont à cœur de rencontrer les citoyens de leur circonscription. Ça ne fait pas d'eux des élus déconnectés pour autant. Donc j'entends ces petits refrains. Mais pourquoi, Elisabeth Martichoux ? Regardez, on a une situation, vous l'avez vu, de désamour pour la politique. Enfin, réveillons-nous, 80% d'abstention aux dernières régionales. À l'opinion. Non, ce qu'il nous faut d'abord, plutôt que ces tripatouillages, ce qu'il nous faut, c'est important, c'est de permettre au peuple qui visiblement ne consent plus à la règle du jeu de la redéfinir. C'est pourquoi nous appelons de nos voeux la convocation d'une assemblée constituante. Balayez pas ça à l'envers de la main, c'est important. pour passer la 6e République. Alors, une et ça aussi, Madame Martichoux, vous avez 6 Français sur 10 qui sont d'accord. Qui est très importante, c'est l'onde de choc du rapport Sauvé, évidemment consacré aux abus sexuels dans l'Église. Le Monseigneur Moulin Beaufort, premier évêque, est convoqué, invité à venir rencontrer Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur aujourd'hui, après sa phrase sur le secret de la confession qui pourrait être au-dessus des lois de la République. Est-ce que Gérald Darmanin a raison de le convoquer pour avoir une explication de fond ? Oui, évidemment. Et les lois de la République doivent s'appliquer. Et quand on voit le scandale, on parle de 300 000 victimes tout de même. Le plus important, c'est qu'on protège les victimes et qu'on fasse en sorte qu'il n'y en ait plus. Donc évidemment qu'on ne peut pas se permettre de finalement renvoyer tout ça au secret de la confession. Bien évidemment, attention, la laïcité doit s'appliquer. Ça n'est pas à l'État d'organiser les religions. Mais faire appliquer la loi de la République... Il a dérapé, Monseigneur Moulin-Beaufort, il a été maladroit. Vous vous souvenez que pour moins que ça, quand d'autres cultes le disent, on en fait tout un fromage à l'Assemblée nationale. Donc oui, c'est bien la moindre des choses que de le recevoir. Et puis aussi d'envisager maintenant concrètement la réparation. Et que la réparation se fasse, c'est important, sur fonds propres de l'Église. Parce que vous savez que les dons aux cultes... C'est-à-dire sans faire appel aux dons des fidèles. Écoutez, les dons des fidèles, non mais juste une précision. Les dons des fidèles, il y a un abattement fiscal de 66%. Ça veut dire que si c'était sur la base des dons des fidèles, la réparation, c'est vous et moi, et tous les contribuables qui la paieraient. Donc c'est bien à l'Église, sur fonds propres, de payer. Et puis surtout, d'organiser les choses pour que ça n'arrive plus. Parce qu'on parle de quelque chose de systémique. Et moi, je pense d'abord à toutes ces victimes. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige, et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construit ici de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Petite revue de presse, oui, alors petite, hein. Descriptif, 10 ans après, Sarko m'a tué, 5 ans après, un président de ne devrait pas dire ça. Voici le nouveau livre politique de Gérard Davé et Fabrice Lhomme, grand reporter au journal Le Monde. Après Sarkozy et Hollande, ils ont enquêté sur Emmanuel Macron. Plus de 110 témoins de premier plan parlent, à visage découvert, crûment. Ils confient aussi leurs documents. Les auteurs racontent le pouvoir solitaire d'un homme assez habile, éperdu de lui-même. Il révèle les dessous de la conquête de l'Élysée, puis l'exercice de la toute-puissance et la vaine quête d'une idéologie. La trahison a enfanté le néant. Et dire que c'est certains d'entre nous qui ont voté pour cet homme-là. Certains d'entre nous. Ah, je ne dirai pas les noms. Eh ben non, ah non. En tout cas, moi j'en connais qui n'ont pas voté pour lui. Et qui en sont fiers maintenant. Eh oui, drôlement fiers. Le réacteur 3 de Cattenom, Grand Est, a été arrêté de long mois pour visite décennale. Du 12 février au 3 septembre 2021. Manifestement, les travaux réalisés lors de cet arrêt n'ont pas été suffisants, les vérifications n'ont pas été assez poussées. La centrale nucléaire en est déjà à sa deuxième déclaration d'événement significatif pour la sûreté, dont l'origine provient d'interventions faites lors de cet arrêt. Voilà. Alors, 4 réacteurs à Cattenom. Cattenom, c'est 190 km de Remiremont. Peut-être un tout petit peu moins à ligne droite. Hein. 190 km, c'est par la route. C'est presque la ligne droite, mais il y a quand même encore, il reste quelques virages. Si on supprime les virages, parce que la radioactivité, elle ne connaît pas les virages. Hein. Elle va tout droit. Voilà. Alors donc, au sud-est de Cattenom, eh bien, il y a la ville de Remiremont, qui est dans le collimateur. Hein. Ensuite, 2 réacteurs à Fessenheim, dont un est arrêté, mais bon, est-ce qu'il est vidé de sa matière nocive? C'est pas sûr, hein, on va faire ça, mais progressivement, bon, d'autant qu'on ne sait plus où mettre les déchets radioactifs. Alors, Fessenheim est à 111 km par la route de Remiremont, c'est-à-dire en ligne droite 80-90 km peut-être. Ah oui, parce qu'il y a l'école, il y a pas mal de virages quand même, hein, en ligne droite. Ben oui, la radioactivité, ça peut partir en ligne droite. Ça dépend de la vitesse, c'est la direction du vent. Le réacteur 3, donc, le système de surveillance n'était donc pas, une vanne a été mal fermée, fin juillet. Le système de surveillance n'était donc plus opérationnel depuis cette date. Dans ce cas, les règles imposent à EDF d'arrêter son réacteur nucléaire dans les 7 jours et de procéder toutes les 12 heures à une mesure manuelle de la radioactivité. À se demander ce qui est le plus inquiétant industriellement parlant, que la vanne n'ait pas été fermée correctement, que personne ne se soit rendu compte durant des semaines que la mesure de la radioactivité du circuit secondaire et la surveillance de fuite du circuit primaire étaient faussées et qu'un exploitant se fie à des données fausses pour surveiller un réacteur nucléaire et soit dans l'incapacité d'appliquer les règles censées garantir en toutes circonstances un minimum de sûreté. Voilà, alors donc il s'agit d'injecter de l'eau en cas de fuite pour éviter que le combustible ne surchauffe. Une pompe a été mal réglée. Je saute quelques lignes. L'incident significatif pour la sûreté a retardé le redémarrage du réacteur nucléaire. Voilà, j'en passe et j'allais dire des meilleurs. Non, sûrement pas, hein, pas d'humour. Des pires. Voilà, ouais, oui. Bon, on a voté pour les gens qui ont fait ça en notre nom, sans nous demander notre avis, hein. Et sans nous informer objectivement et sans nous demander notre avis. Bien sûr. Alors, l'âge des réacteurs nucléaires fin 2018. 48 des 58 réacteurs auront dépassé 30 ans leur durée de vie initialement prévue. Alors, Cattenom, 32, 31, 28, 27 ans. Chose 22-21, Gravelines 38-38-38-37-34-33, Pinly 28-26, Paluel 34-34-33-32, Flamanville 33-32, Chinon 36-35-32-31, Civaux 21-19, Le Blayé 37-36-35-35 encore, Golfèche 28-25, Le Tricastin 38-38-37-37, Cruas 34-33-33-33, Saint-Alban-du-Rhône 33-32, Bugey 40-40-39-39. Alors ça, c'était fin 2018. Hein, nous sommes, il faut ajouter 3 ans à tous les nombres que je viens de citer. Voilà. Alors Fessenheim, 41-41. C'est-à-dire que Fessenheim, c'est 41 plus 3, 44 et 44. Voilà, c'était les centrales qui étaient prévues pour une quarantaine d'années. Hein. On avait dit 30 au départ, puis après on a dit 40. Et voilà, donc on en est à 43. Et oui, voilà. Oui, moi je suis allé à la manifestation contre la construction de la centrale de Fessenheim, avant qu'on envisage sa construction, on commençait à envisager sa construction. Il y avait des étrangers qui étaient là avec des banderoles en français, bien sûr, des Allemands, des Hollandais, des Suisses, des Belges, qui demandaient, pour amis français, pourquoi mettez-vous vos centrales nucléaires le long des frontières ? Alors c'était le cas à l'époque. Bon, depuis on en a mis un peu partout des centrales. Hein. Je crois que chacun de nous peut dire que à moins de 150 km de chez lui, il y a une ou plusieurs centrales. Hein. C'est-à-dire qu'en cas de pépin, on sera tous concernés. Concernés en un seul mot. Hein. Le roi de Danemark et madame, après l'ordre nazi du port de l'étoile jaune. Tous les Danois, après le geste de résistance du roi, descendirent dans la rue à sa suite avec une étoile jaune cousue sur leur manteau. Le lendemain, l'ordre du port de l'étoile était retiré. Cette étoile jaune nazie reprenait la pratique de la rouelle jaune du Moyen-Âge que devaient porter les Juifs pour être distingués. Un ordre du pape, le mal nommé Innocent, au XIIIe siècle, fut lancé lors du quatrième concile de Latran et repris par le roi de France Louis IX, le tout aussi mal nommé Saint-Louis. Les Juifs devaient porter un signe permettant de les reconnaître, et ce, afin d'éviter les mariages avec des chrétiens. La séparation des communautés et des fidèles de cultes différents, lorsque chacun était identifié par sa religion, l'affichage d'un signe visible de son appartenance, furent des pratiques médiévales qui disparurent avec la citoyenneté. La régression nazie, par la reprise d'une pratique d'affichage, se fit dans un sens racial, aux fins non plus séparatrice, mais exterminatrice. Alors bravo au roi et à la reine du Danemark et bravo au peuple danois qui ont fait preuve de courage, eux. Ils ont fait preuve de courage, les Danois, eux. Nucléaire, dites non au trafic de déchets radioactifs. Voilà, plusieurs dizaines de tonnes d'uranium usé français ont été chargées à bord du navire Mikhail Lomonosov à destination de Saint-Pétersbourg le 20 janvier et le 12 février 2021. Pourtant, il y a 10 ans, Greenpeace France avait obtenu de l'industrie nucléaire française l'arrêt de ses exportations. Un trafic à la frontière du légal et du réel, Orano, anciennement Areva. Entreprise spécialisée dans la production et le retraitement du combustible nucléaire, a reconnu être à l'origine de ces expéditions. Elle a révélé avoir signé un contrat de vente de 1000 tonnes d'uranium de retraitement avec Rosatom. Ce serait illégal, conformément à la loi européenne qui interdit d'exporter des déchets nucléaires. Voilà, la lutte doit continuer. Alors, moi, je fais une proposition. Il y a plein de gens qui sont pas contre le nucléaire en France. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. Mais oui, c'est pas dangereux, le nucléaire. Surtout s'ils s'éloignent chez eux. Hein. Mais 1000 tonnes. là, les 1000 tonnes qu'il est question de, d'exporter, voilà, 1000 tonnes, alors plus d'autres centaines ou milliers de tonnes qui ont été déjà produits, ces 1000 tonnes-là, il y a 90 départements en France, mettons 100 départements, ont réparti équitablement les 1000 tonnes en question entre les 100 départements. Hein, ça fait 10 tonnes par département. Chaque département réunit le conseil départemental et décide de répartir les tonnes en question entre les communes, en fonction du nombre d'habitants des communes. Et voilà. Alors, combien est-ce que Remiremont, est-ce que Saint-Étienne, Dommartin, etc., recevraient chacun de tonnes d'uranium à enfouir dans le sous-sol, ben, loin des sources, loin des rivières, loin des maisons, etc., etc., voilà. Ben oui, ben, parce que on profite tous de l'électricité nucléaire. Tous. Ah oui, on n'a pas été contre, alors donc ça veut dire qu'on était pour. Alors, eh ben, il faut accepter maintenant de traiter le problème, hein. Oui, alors voilà. Oh, ben, on recevrait quelques dizaines de kilos, je pense, d'uranium. Et l'uranium est extrêmement dangereux, hein. Un milligramme d'uranium, ça peut faire des dégâts déjà, alors imaginez un gramme et imaginez un kilo. Alors, voilà, ben, il faudrait prendre des mesures, ça coûte très cher aux contribuables et puis ça serait dangereux pour les habitants, mais bon, tant pis, hein. Le nucléaire, on a produit les déchets, maintenant il faut faire quelque chose, voilà, hein. Et oui, alors le quart de Gurs, si un jour vous passez du côté de Orléans-Sainte-Marie, dans les Pyrénées, vous pourrez vous arrêter à Gurs. Dans ce village, du printemps 1939 à décembre 1945, a fonctionné un camp de réfugiés, puis de concentration. Ce camp, d'autant qu'un média national ne parle, faisait 2 km de long, 500 mètres de large, et que comprenait 390 baraques de bois sans aucun confort, contenant un minimum de 60 personnes chacune. Pourtant, des 500 000 réfugiés espagnols entassés sur les plages du Roussillon, 25 000 d'entre eux ont été dirigés dans ce camp et vivront dans un état sanitaire déplorable. Puis arriveront les Juifs, Allemands, Polonais, Autrichiens, par milliers, avant d'être dirigés vers Drancy. Évidemment, les morts de maladie et de faim se sont comptés par centaines. Tout cela pour rappeler ce dont est capable l'extrême droite, fascisme et nazisme n'étant que les progénitures immondes de cette extrême droite. Alors, droite, pseudo-socialiste, etc., on pourrait faire un amalgame rapide et parlant. Alors, les élus mosellans prêts à mettre la main au portefeuille. 1,5 million d'euros, c'est la somme qu'a pris l'habitude de dépenser chaque année la région Grand Est pour éponger le déficit de l'aéroport. Et les 6 millions de chômeurs. On en fait quoi, des 6 millions de chômeurs? Hein? Il y a des millions, des milliards à dépenser pour eux. Hein? Rappelons que le chômage est à l'origine de l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933. COP26. Les États se regroupent à Glasgow jusqu'au 12 novembre pour tenter de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2% d'ici la fin du siècle. Mais les tensions internationales et le contexte de reprise économique post-Covid rendent le succès difficile à atteindre. Ah, oh, c'est dur la vie. Guantanamo, le récit des tortures. Un ancien détenu pakistanais de la prison militaire de Guantanamo, située sur une base américaine à Cuba, a détaillé les tortures que la CIA lui a infligées pendant 3 ans. Une déposition faite vendredi par l'ex-membre d'Al-Qaïda lors de son procès, où il a été condamné à 26 ans de détention. Voilà. Premier détenu à raconter publiquement ses tortures. Une enquête du Sénat américain sur l'usage de la torture par la CIA après les attentats du 11 septembre 2020, 2001, pardon, corrobore son témoignage, mais il est le premier détenu à raconter publiquement ses tortures aux mains de l'agence de renseignement américaine. Ah oui, American Way of Life. Et French radio libre, etc. Passez beaucoup la musique là anglo-américaine, etc. Anticulture. Un peuple que trop cultivé risque de bien voter, alors il faut entretenir la bêtise. Et oui, en passant des chansons à ras du gazon. Et encore, c'est déshonorer le gazon. Électricité, EDF perd 400 millions en spéculant. Voilà. Et EDF, qui n'est plus une boîte nationale, spécule. C'est une boîte capitaliste comme les autres. Alors elle perd de l'argent encore, de cette manière-là. Plutôt que de chercher des jeunes avec de l'expérience, on préfère leur en donner. Qui est-ce qui fait ça? Qui dit ça? Eh bien, eux, les magasins Édouard Leclerc, plutôt que de chercher des jeunes avec de l'expérience, de les embaucher, de leur donner un vrai salaire de vrais salariés. Non, on préfère leur en donner, c'est-à-dire embaucher des apprentis. Ah, le truc à la mode maintenant, c'est l'apprentissage. Si on pouvait transformer tous les salariés en apprentis, quelle économie on pourrait faire sur les salaires? Eh oui. Oh, on ferait des économies. Transformer les ouvriers en apprentis. Quelle bonne idée. Mais faut pas trop le répéter parce que il y a qui pourrait mettre ça en pratique. Drame du Mans, 1955, des images inédites à Nancy. Les 24 heures du Mans, 1955, sont encore aujourd'hui avec ses 84 morts et ses 120 blessés, le plus grand drame de l'histoire du sport automobile mondial. Plus de 60 ans après, des images inédites et incroyables ressurgissent depuis la Lorraine. Eh oui, le sport automobile. Ah oui, ça en fait des morts. Alors, tiens, avis du décès. Lundi 1er novembre 2021, il y a eu 5 morts ce jour-là, et il y a eu 9 sur la page. Les avis occupent les 2/3 de la page, à peu près, occupent 1/3 de la page, pardon, et les 2 autres tiers sont occupés par des publicités pour des entreprises qui fabriquent, qui vendent, qui posent des monuments funéraires. Et encore une branche là qui est... Hein. Des années 50 à la fin des années 70, la cigarette en liberté. On fume partout, en voiture, dans les cours de lycée, en faisant ses courses dans la salle d'attente du médecin, au cinéma. La relation entre Hollywood et l'industrie du tabac n'est pas nouvelle. Elle a débuté en 1927 avec le cinéma parlant. Adiba, le Guinéen devenu héros. Né en Guinée en 1916, Adiba s'est engagé comme tirailleur sénégalais en 1939 dans l'armée française, qu'il quitte avant de devenir chef de maquis dans les Vosges où il est fait prisonnier. Torturé, condamné à mort par un tribunal allemand et fusillé à Épinal le 18 décembre 1943. Voilà un gars qui avait émigré et qui s'est engagé pour défendre la République française. Vous voyez, les migrants, hein? Eh oui, heureusement qu'ils étaient là. Des régiments de tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, sénégalais, etc. pour défendre la France. Le vaccin par patch fait son chemin. Depuis le début de la pandémie, les projets de vaccination contre le Covid-19, grâce à des patchs, se multiplient, témoignant d'un mouvement qui pourrait bien révolutionner la façon dont seront administrés les vaccins à l'avenir. Voilà. Et puis, voilà, ce sera tout pour cette fois. Hein? Ah oui.